the Lord. Hallelujah. Our message is still understanding the kingdom of heaven. Unsere Botschaft ist immer noch das Königreich Gottes verstehen. Amen. Notre message, notre thème est toujours de comprendre le royaume des cieux. Amen. Amen. And under it, I speak to you later. It's strong quote to Adonai. Yeah. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Understanding the kingdom of heaven. Amen. Das Königreich des Himmels verstehen. Christ's motif and Christ's system should always be one. Das Motiv und das System von Christus sollte immer eins sein. Le motif de Jésus et le système de Jésus-Christ doit toujours être un. Amen. Amen. That's the topic. That's what we will quickly go through. I don't know if we have time to go to another one. But I have two messages here, but if we cannot go through the other day on Wednesday. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, my daughter here, Tania, came to me and talked to me. She spoke to me concerning motive, and the Lord through there brought out this message that Christ's motive and the system should go together. Meine Tochter Tanja ist zu mir gekommen und hat mit mir über etwas gesprochen und daraus ist dann dieses Thema auch entstanden, dass das Motiv und das System von Christus eins sein sollen. Ma fille était venue vers moi et j'ai parlé avec elle concernant le motif et le système de l'Éternel, que le motif de Jésus-Christ et le système de Jésus-Christ doivent être un. Amen. Amen. It is like saying yes to Jesus, but your action is saying no. Das and people can see your action. Ja, so zu Jesus sagen, aber unsere Handlungen sagen nein. Tu peux dire oui vers Jésus-Christ, mais notre comportement c'est comme non. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I hope you know the difference between the two. Christ's motive and then Christ's system. Ich hoffe, ihr kennt den Unterschied zwischen dem Motiv von Christus und das Motiv von das System von Christus. Aber beides läuft zusammen. J'espère que vous connaissez la différence entre le motif de l'Éternel et le système de Jésus-Christ. Tous les deux choses, ça marche ensemble. Christ's system involves a lot of things. Das System von Christus involviert viele Dinge. Le système de Jésus-Christ involve beaucoup des histoires. The way implique beaucoup des histoires. Der Weg. The way. Le chemin. The how. Das wie. Le comment. The time. Die Zeit. Et le temps. The desire. Die Wünsche. Le désir. Are you getting it? Mm-hmm. You see, all these, they are a system. They have its own system. All das hat sein eigenes System. Tout ça, ça a son propre système. Amen. Amen. There's the way you can get husband today. Just go to internet and we'll be looking for husband. Amen. Mm-hmm. And that is the system of this world, especially here in Europe. Amen. Mm-hmm. But not the system of Christ. Es gibt eine Art und Weise, wie Leute hier heiraten oder Partner finden, aber es ist nicht das der Weg von Christus. Il y a une manière laquelle les gens sont en train de trouver chercher un partenaire ou bien veulent se marier, mais ça c'est pas le chemin de l'Éternel. It means you know Adam will not have partner. Das heißt, because there was no Google. Adam hätte dann keinen Partner haben können, weil es gab damals keinen. Amen. Parce que si Adam et Eve étaient entrés dans avaient ce système, ça signifie que Adam ne pouvait même pas avoir une partenaire parce qu'il n'y avait pas d'internet. Praise the Lord. Amen. Amen. If your motive is Christ, what about the way? Wenn dein Motiv Christus ist, was ist denn mit dem Weg? Si ton motif c'est Jésus-Christ, c'est le chemin, ça c'est comment alors? Is the way you are going through whatever it is, is it the way of Christ? Die Art und Weise, wie du die Dinge machst, den Dingen nachgehst, ist es von Christus? Le chemin ou bien le moyen laquelle tu es en train de partir ce chemin pour avoir Jésus-Christ, est-ce que c'est le chemin de l'Éternel, c'est le vrai chemin? And that's why it's good for you to know what he loves and know what he hates. Deswegen ist gut zu wissen, was liebt und was hasst. C'est pour cela c'est important de comprendre ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Amen. Amen. So also, what about the how? Was ist mit dem wie? Et tout comme le comment. Amen. The how are you going to have it? Comment tu vas l'avoir? If he tells you I have given you this, You know, when the Lord gives you things, it's like he gave Joshua, he said, I've given you Jericho. Wie als are you getting der it? Herr Joshua die Stadt Jericho gegeben hat. Und die Frage ist aber das Wie. Wie soll ich diese Stadt erobern? C'est comme tout comme la question du comment. Comment l'Éternel a donné à a donné la cité de Jéricho. Amen. Whatever you know, the Lord, God is spirit. God is Geist. Amen. L'Éternel est God l'esprit. Is spirit. God is Geist. And once He's dealing with us, He's dealing with us through the spirit, spirit to spirit. Und wenn er, wenn es um unsere Angelegenheiten geht, wenn er mit uns spricht, ist es von Geist zu Geist. Quand il nous parle. Tu es esprit à esprit. Go to Joshua 6. Let's go to Joshua 6. Amen. On va lire Josué 6. Praise the Lord. Amen. He told Joshua, I've given you Jericho. But are you getting it? Amen. Amen. But you know, you have it in your spirit, but it has to come out. I've given you. It does not. Joshua have to believe that he has it already before he can have it in the on the. On the outside. Aber Joshua musste Joshua glauben, 1. dass er das schon hat, bevor er es auch äußerlich hat. Josué 6, lui, il devrait, par exemple, il devrait d'abord croire avant de vraiment de l'avoir. Praise la the cité. Lord. If we quickly read a little bit there. Amen. Amen. He said, now Jericho was straight shut off because of the children of Israel. None went out and none came in. Are you getting it? Verse 2. And the Lord said unto Joshua, see, I have given into your hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. Are you getting it? I have given it to you. But Joshua did not have it then. Aber Joshua hatte das doch nicht. Il a dit ici à Josué que je te l'ai déjà donné, mais Josué ne l'avait pas à la base avant. Are you getting it? Mm-hmm. I have healed you, but you still have pain. Ich habe dich geheilt, aber du hast immer noch Schmerzen. Tout comme quand il te dit que j'étais déjà guéri, mais tu as toujours des douleurs. I'm a prosperous man, but there's no money in account. Tu es ein wohlhabender Mensch, aber du hast kein Geld auf dem Konto. Tu es un homme riche, il te dit, mais tu n'as pas de l'argent dans ton compte. Amen. Then in out from verse 3, the how. You can see it. And you shall compass the city. Are you getting it? Verse 2 said, I have given it to you. Verse 3 said, this is how. In Vers 2 sagt er, ich habe dir das gegeben. Und in Vers 3 zeigt er, wie er dir das gegeben hat schon. Dans verset 2, il nous dit que il t'a déjà donné. Et puis après, il te dit comment il te l'a déjà donné. Whatever you have in your spirit, the Lord wants them out. Was immer du in deinem Geist hast, der möchte das draußen sehen. Christ is you. Dieser ganze Sieg, Christus in dir. Tu sais que lui, l'Éternel, il veut déjà que tu puisses avoir les histoires, il veut que la manifestation, lui aussi, il veut que ça puisse être visible pour tout le monde. Amen. Amen. And what about Christ time? Was mit der Zeit von Christus, seine Zeit? Et comment avec le temps de Jésus-Christ? Is time your time? Ist deine Zeit deine Zeit? Est-ce que le temps de Jésus-Christ est ton temps? Amen. Or you just want to microwave everything? Oder willst du alles sozusagen in die Mikrowelle stecken, dass alles schneller geht? Ou bien tu veux que ça puisse être tout ça puisse être accéléré, tu veux mettre ça dans le micro-ondes que ça puisse être vite. All these are big problems for God's children. Und all das sind Probleme für Kinder Gottes, große Probleme. Et tout ça, ce sont des grands problèmes pour Jésus-Christ. They don't know the way, they don't know the how, they don't know the time, they know nothing. Once it comes to Christ's world, their system is all about the system of this world. Sie kennen nicht die Zeit, sie kennen nicht the ways of this world, the how of this world. They know the time. Sie kennen nur die Wege und die Mittel dieser Welt, aber nicht die Wege und Mittel des Königreiches. Ils connaissent seulement la volonté de l'Éternel, mais ils ne connaissent pas le temps de l'Éternel. And that's why things never work for God's children. Deswegen funktionieren die Dinge für Kinder Gottes nicht. Et c'est pour cela les choses ne fonctionnent pas pour les enfants de Dieu. Remember, I said, my ways are not your ways. Aber erinnert euch, er sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Mais rappelle-toi, il a dit que mon chemin c'est pas votre chemin. Are you getting it? Amen. You know that is why God's children, for them to see the manifestation of the power of Christ in their life, it's almost impossible. Because the how, the way, they are different. And if you don't know that of Christ, Satan will use you. Und deswegen ist das so schwierig für die Kinder Gottes, weil wenn du das Wie und das Was vom Königreich Gottes nicht kennst, von Christus, dann wird der Satan dich nutzen. Et c'est pour cela c'est important de comprendre le royaume des cieux, parce que si tu connais pas le système de l'Éternel, le comment, le quand de l'Éternel, comment ça fonctionne, le diable va vraiment t'utiliser. Are you getting it? Mm-hmm. Your motive might be Christ, but if the way is not Christ, Satan will have his own way. Mm-hmm. Dein Motiv ist vielleicht Christus, aber wenn der Weg nicht Christus ist, wird der Satan dich nutzen. Ton motif, c'est peut-être c'est Jésus-Christ, mais si ton chemin, ce n'est pas le chemin de l'Éternel, le diable va vraiment te confondre. Are you getting it? Et t'utiliser. Praise the Lord. Amen. The how, for example. Moses in Old Testament. Moses in Old Testament, beispielsweise, er hat jemanden getötet. Le comment, par exemple. Moïse, dans l'Ancien Testament, il a tué quelqu'un. The how was the problem. Das Wie war das Problem. Le comment était le problème. He knew he was the deliverer, that he was the one the Lord was going to go through to deliver the children of Israel. Er wusste, he knew it. Dass er derjenige ist, der die Kinder Gottes erlösen wird. Il savait qu'il sera la personne qui va libérer les enfants d'Israël. But we have to know that God never do things in the flesh, but in the spirit. Aber wir müssen wissen, dass Gott niemals Dinge im Fleisch macht, sondern im Geist. Mais on doit comprendre que l'Éternel ne fait rien dans la chair, mais il fait dans les histoires, dans l'esprit. And that's why our result, whatever we expect, should not be of the flesh, but of the spirit. C'est pour cela que nous erwarten. That's why don't expect fail or pass, you expect Christ. Deswegen unsere Resultate, wir sollten immer den Geist erwarten und nicht das Bestehen oder nicht Bestehen, sondern den Geist. Et c'est pour cela que notre résultat, ça doit être seulement l'esprit, c'est pas charnel, ou tu as passé ou bien tu n'as pas passé, donc ça doit être l'esprit. Moses knew the will of God for him. Mose kannte den Willen Gottes für ihn. That is why that you know the will of God for you is not enough. It's not enough because it does not threaten Satan. Einfach nur den Willen des Herrn zu kennen, das bedroht den Satan nicht. Et c'est pour cela que le fait que tu connais l'Éternel, ça va même pas être ça va même pas le diable ne sera pas vraiment inquiété pour ça. Praise the Lord. You know, God can reveal, you can know the will of God. Du kannst den Willen Gottes kennen in deinem Leben. Donc le diable ne sera même pas menacé si tu connais l'Éternel. Parce que tu dois comprendre, oui. And the only Satan will even want you to know it. Und der Satan will sogar, dass du es weißt. Dieu veut que tu puisses connaître son plan pour toi, mais le diable aussi le veut, aussi que tu puisses le comprendre. You know where he's waiting for you. The way to achieve it. Wisst ihr, wo er auf euch wartet? Er wartet auf dem Weg. Mais est-ce que tu sais, là où il est en train de t'attendre, il t'attend dans le chemin pour y arriver. He knows that the way you are going to achieve that way can still be his own way. Weil er weiß, dass du diesen Weg immer noch mit ihm gehen kannst. Malgré c'est que tu sais la volonté. Malgré c'est que tu sais la vérité, la volonté de Dieu dans ta vie, lui le diable, il va vouloir que tu puisses le faire dans sa propre manière. Praise the Lord. On va lire Actes des Apôtres 7. Amen. The Lord wants us to understand this message very well because he said it's affecting a lot of his children. Amen. It's affecting them already. He said, so just preach it now. Amen. L'Éternel m'a dit de... Apostelgeschichte 7. Actes des Apôtres 7, l'Éternel m'a dit de le prêcher parce que ça est en train d'affecter les enfants de Dieu déjà maintenant. Amen. Amen. You know, here the story of Moses is here a lot. Amen. Hier geht es viel um die Geschichte von Mose. Ici, il s'agit de l'histoire de Moïse. If we read from 20, he said, or let's say from 22 because of the time. And Moses was slain. 22. 7, 22. 22, please. And Moses was slain all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and in deeds. And when he was full 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. It was here he knew his will. Ici, Moïse avait compris la volonté de l'Éternel pour sa vie. Amen. Then from verse 24, the heart. Dans le verset 24, le comment, les comment étaient de la chair. Amen. Amen. And seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian. For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them. But they understood not. Are you getting it? Mm-hmm. He already knew the will. Er kannte den schon. Il connaissait déjà la la volonté de l'Éternel. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It is not by the flesh, but by the spirit. Es ist nicht durch das Fleisch, sondern durch den Geist. Et c'est pas à travers la chair, mais c'est par l'esprit. Praise the Lord. Amen. And if you read it further, you can see it. Amen. Wenn wir es weiterlesen, können wir das auch sehen. Et si on continue à lire, on va aussi le voir. The result of the flesh. Das Resultat des Fleisches. Caused more years. Hat dafür gesorgt, dass es noch mehr Jahre gekostet Instead of 10 hat. Years, le résultat de la le résultat de la chair, ça les a coûté même 10 ans de plus, 30 ans de plus au lieu de 10 ans. When God, when he knew God's will, it was remaining 10 years for the Lord to start his job in through him. But you know the flesh. We have, you know, praise the Lord. Als er den Willen Gottes für sein Leben kannte, waren eigentlich schon noch 10 Jahre übrig, damit der Herr ihn für diesen Willen vorbereitet und durch ihn dann halt arbeitet. Mais normalement, quand il connaissait la volonté de Dieu, ça allait seulement lui prendre 10 ans de, d'être préparé, que l'Éternel puisse lui préparer jusqu'à à faire la volonté de l'Éternel. Amen. Mm. Then 30 years was added. Aber 30 Jahre wurden hinzugefügt. Plus that 10 years was not 40 years. Instead of 10 years, then 40 years. Und aber 30 Jahre wurden hinzugefügt. No time to go through them. Amen. Weil I hope you understand it already. Er versucht hat, es auf eigene Weise zu tun, und er deswegen flüchten musste und dann so viel Zeit verloren gegangen ist dabei. Donc l'Éternel voulait seulement lui préparer pendant 10 ans, mais vu que lui il voulait faire ça les choses dans sa propre manière, l'Éternel a dû rajouter 30 ans de plus et au total c'était 40 ans parce que il a essayé de faire les histoires par la chair. Praise the Lord. Alléluia. He's, you know, he's supposed to be the deliverer. He started running. He fled. He fled from Egypt. Are you getting it? Er sollte eigentlich der sein, der die Leute. You will now be the one running from them instead of them running from you. If you don't allow his ways to be your way. Er sollte eigentlich die Leute frei machen, also die aus der Gefangenschaft wegnehmen. Aber er wurde selber zu einem Flüchtling, wurde selber zu jemandem, der fliehen musste, weil er seinen eigenen Weg gegangen ist, nicht den Weg des Herrn. Normalement, il devrait être la personne qui délivre les esclaves, mais lui-même, il a dû commencer à se cacher parce qu'il a fait une chose grave. Let us read it in little bit. Amen. Verse 26. And the next day he showed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sir, you are brethren, why do you wrong one another? Mm. Are you getting it? Somebody correcting, you become your enemy. Den du belehrt hast, wird auf einmal zu deinem Feind. Une personne ici dit que tu vois, on voit ici une personne que tu es en train de corriger, un frère qui te corrige devient tout d'un coup ton adversaire. He was surprised that they fight one another. That's how people are surprised when God's children fight one another. When you are married, you fight one another. You are fighting yourself. Jesus said, you are no longer two, but one. Amen. Where will that sink in? Und you screw yourself at six. We will ten. Und er war halt verwundert, dass die Leute sich gestritten haben, weil sie ja doch eins sind. Und so auch heute, wenn Kinder Gottes sich untereinander streiten, ist das halt einfach falsch, weil es nicht sein kann, dass wir eigentlich in Christus eins sind, aber dann halt gespalten sind. Fast sechs Leute sind, obwohl wir nur zu zweit sind und eigentlich eins sein sollten. Mm. Ici, par exemple, il était aussi trop... Il s'est demandé, mais pourquoi vous êtes en train de vous battez ensemble, vous êtes des frères. Et c'est tout comme aujourd'hui entre les enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu dans leur mariage ou bien entre les frères et les sœurs, quand il y a une dispute, l'Éternel dit que vous êtes un. Mais vous, vous voyez comme si vous êtes deux, trois, même six personnes. Mais pourtant que vous avez un esprit. Et quand est-ce que ça sera, vous serez capable à le comprendre que vous êtes un? Matthieu 19, Jesus said, you are no longer two, but one. Matthäus 19 sagt, wir sind nicht mehr zwei, sondern eins. Matthieu nous dit que nous sommes plus deux personnes, mais nous sommes une personne. It means if you call your wife a fool, you are the fool. Wenn du deine Frau so fool. You are also calling yourself a fool. Ein Narren nennst, bist du selber ein Narren. Ça signifie que quand tu dis à ta femme qu'elle est bête, une fille bête, ça signifie que toi-même aussi tu t'appelles aussi bête parce que toi et ta femme vous êtes une personne. If you call your wife an idiot, you are directly and indirectly telling yourself you are an idiot. Wenn du deinen Mann einen Idioten nennst, dann sagst du dir selbst, dass du ein Idiot bist. On the other side too, the wife calling the husband. Tout comme quand une femme appelle son mari un idiot, par exemple, directement et indirectement, tu dis aussi que toi-même aussi tu es un idiot. Parce que la Bible nous dit que vous êtes un. No one ever enjoys slapping himself. Niemand genießt es, sich selbst zu schlagen. Il n'y a personne qui aime se frapper lui-même. Amen. No, that is slap, not clean, who clean one. You don't give it to yourself. No one enjoys fighting him or herself. Niemand genießt es. So you are fighting one another, marriage. You know, you don't. The result is terrible. Abraham understood what it is to fight one another, and that's why you have to separate. It's better you separate than fighting one another. I'm telling you. Mm-hmm. Und Abraham hat das ja auch verstanden, dass Zwietracht und Streit halt einfach eine Tür des Satans ist. Und deswegen hat er sogar gesagt, dann trennen wir uns lieber, anstatt immer wieder die Tür für den Satan aufzumachen. Abraham, par exemple, lui, il a compris que des disputes ne sont pas de l'Éternel. C'est pour cela qu'il a dit à l'autre, c'est mieux même qu'on puisse se diviser, que chacun puisse partir dans son chemin, parce que ça ne sert à rien essayer d'être un esprit et se chamailler chaque fois. There's a difference between you separate to fight and you separate to be one. Es gibt einen Unterschied zwischen sich trennen, sich im Streit trennen oder sich um eins in Christus zu sein. Il y a une différence entre se séparer parce que vous avez des problèmes pour ne pas se disputer ou bien se séparer parce que vous voulez être un en Jésus-Christ. If we can see Christ, there's no need for separation. Wenn wir Jesus sehen können, gibt es keinen Grund für Trennung. Mais si on est capable de voir l'Éternel, on n'a pas besoin de la séparation. Amen. Even you know Abraham, we even accuse us today and say, you know, for him, he was in the power of the Holy Spirit. You know, today we have the power of the Holy Spirit 24/7 upon all. It's not enough to be one in Christ Jesus. Und obwohl wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, reicht es anscheinend immer noch nicht, eins zu sein in Christus. Malgré on a la puissance du Saint-Esprit, ça ne suffit pas, parce qu'on est toujours en train de se disputer chaque jour et nuit. Amen. And later we tell people, come and join us so that we'll be like us, so that we'll be fighting one another like us. Und dann sagst du im nächsten Atemzug, ey, komm und sei ein Teil vom Königreich Gottes, damit du dich genauso streitest, damit man sich genauso streitet. Come on, Jeremy, so that you will be beating your wife as I beat my wife. Or I fight my husband. Komm auch zu Christus, damit ich. You wonder why they are not coming. They are not listening to you. Deine Frau so verprügelst wie ich, wo dass du dann auch genauso deinen Mann so beleidigst wie ich. Et puis on est les premiers à inviter les gens, venez avec nous à l'église, faisons ceci, cela. Mais nous sommes les premiers qui sont en train de frapper nos femmes à l'église. Et c'est quel message tu dis aux gens de venir dans ton église ou bien de venir chez toi? Comme ça, tu vas aussi comme ça les apprendre aussi à frapper leur femme quand tu frappes ta femme. In marriage, the Lord bless you with one another. In the ear, segnet. Don't make it. Don't allow it to become a curse. Segnet der Herr einen. And so also a relationship with one another. It's blessed. He blesses us with one another. And I can remember when Mercy was always crying when she was a little girl. She was always crying for a sister, sister. Look at now, sisters everywhere. But you know, if you are not careful, it will become a problem. And no longer a blessing. It's supposed to be a blessing. Are you getting it? Und dass wir die Ehe beispielsweise oder dass wir Bruderschaft, Geschwisternschaft haben, das ist ein Segen von Christus. Aber wir können ganz schnell dafür sorgen, dass es zu einem Fluch wird. Das müssen wir halt verweigern. Meine Tochter beispielsweise hat sich immer Geschwister gewünscht. Aber man darf halt nicht zulassen, dass dann halt, wenn es dann halt da ist von Christus, dass es dann zu einem Fluch wird, weil man nicht Christus sieht. En fait, on doit comprendre que nous sommes bénis l'un vers l'autre. Un mariage, c'est une bénédiction et c'est pas une malédiction. Je peux aussi me rappeler, par exemple, quand ma fille, quand elle était petite, merci, elle me disait toujours que je veux aussi encore avoir une petite sœur ou bien encore des frères et des sœurs. Mais on voit maintenant, à présent, on voit qu'elle a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, gauche et droite. Mais on doit faire attention parce que ça peut aussi devenir une malédiction si on fixe pas nos yeux vers l'Éternel. You know, the messenger was always telling me, why don't I have sister? Why don't what about small brother that I can play with? And she was so worried about Osaze. Because, you know, the mother was taking her away, running away from us. And, you know, then Osaze did not, she was a little girl also. But, you know, Mercy was so worried about Osaze. Why can't Osaze, two of us come together and be one? And now you have how many brothers and sisters? Amen. Amen. You are supposed to rejoice and say, thank you, Father. You have given me what I'll be praying for. Amen. Amen. Amen. We should not allow it to become a curse, but a blessing. Na, wir sollen nicht zulassen, dass diese Gemeinschaft, die wir jetzt haben, ob in der Ehe oder ob in der Familie in Christus, zu einem Fluch wird. Meine Tochter hat sich das halt immer gewünscht und war auch sehr traurig, wenn sie gesehen hat, dass in der fleischlichen Familie die jüngeren Cousinen oder so, die sie hatte, wenn die ihr weggenommen worden sind oder wenn sie mit ihnen keine Gemeinschaft haben konnte, dann hat ihr das mal leid getan, es hat ihr mal sehr weh getan. Aber jetzt hat sie das in Christus und sollte sich das nicht kaputt machen lassen vom Satan. Par exemple, on doit comprendre qu'on est vraiment béni avec des frères et sœurs. On doit le voir comme bénédiction et voir fixer nos yeux vers Jésus-Christ, parce que je peux me rappeler, quand ma fille était petite, elle disait, oui, mais ma cousine, par exemple, Osaze, vu que sa maman était toujours en train de fuir maman pasteur, et elle disait, mais quand est-ce que je veux la voir, j'aimerais finalement être réunie avec Osaze, parce qu'elle est comme ma petite soeur, je veux jouer avec elle, hein, des histoires comme ça. Elle pleurait beaucoup, mais on voit à travers l'Éternel maintenant, l'Éternel lui a béni. Il a béni pas seulement avec Osaze, mais avec beaucoup d'autres sœurs et beaucoup des frères. Et c'est pour cela qu'on doit faire, elle doit aussi, nous tous, on doit faire attention que cette bénédiction ne soit pas une malédiction. Praise the Lord. Hallelujah. That we are there for one another is a blessing from the Lord. Dass wir füreinander da sind, ist ein Segen des Herrn. Le fait qu'on est là, l'un pour l'autre, c'est une bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. It is Christ being there for you. Es ist Christus, der auf sich da ist. See one another, you see Christ. Now nothing else. On doit comprendre que c'est Jésus-Christ. On doit se voir l'un et à l'autre comme Jésus-Christ, parce qu'on doit voir que l'autre, c'est Jésus-Christ qui est là pour toi. 1 Corinthiens 2. Verse 1-3. And I, brethren, when I came to you, you know, you see, say, when I came to you, verset 1 à 3. One together. Mm-hmm. Are you getting it? Genauso wie wir eins sind hier. Ici, il a dit pourquoi, lorsque je suis allé chez vous, comme nous tous ici, nous sommes ici. Amen. Amen. Came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Mm. Amen. Amen. For me, it was all about Christ when I was with you. And I never see something else outside you, but Christ alone. Mir ging es nur um Christus, sagte ich hier ganz klar. Ich habe nichts außer Christus gesehen, wenn ich bei euch war. Ici, car je n'ai pas eu, verset 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, quand il a vu là, il a regardé autour de lui, il a vu ses frères, il a seulement pensé à Jésus-Christ, à rien d'autre. Amen. Look at verse 3, very powerful. Verset 3, c'est très puissant. He says, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. It's not that Paul was afraid of them. When the Christ in them, he could see it clean and clear. Nicht das. Once you stand before Christ, you are all this will come in. You understand me? In fear, in weakness, in fear, in much trembling. Amen. Mm-hmm. You remember when Mary, when Gabriel came to Mary, you can see the fear. Amen. But this time, it's no longer angel Gabriel, but Christ himself. That's what Paul is talking about here. Once I see you, I see Christ. And if I want to speak to you, I speak to you with respect. I speak to you, I don't see, no matter your age. I don't see you, I don't see the body, I see Christ. Amen. Are you getting it? That is the life of Christ. That is the kingdom of heaven. Und that's how it lives. Paulus hatte keine Angst vor diesen Leuten, sondern er hatte keine Angst vor diesen Leuten, sondern hatte einfach diese Erkenntnis, dass diese Menschen wirklich Christus sind und deswegen konnte er mit diesem Respekt und dieser Ehrfurcht vor ihnen stehen und sie anschauen und sie auch deswegen danach so mit ihnen sprechen. Und egal wie alt die Person ist, die vor dir steht, solange sie Christus hat, redest du in dieser Ehrfurcht und in diesem Respekt in Christus, nicht der weltliche Respekt, zu ihnen. En fait, ici, il a dit aussi en verset 3, il a dit que moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et il ne parle pas ici de... il ne dit pas que... Il ne veut pas dire qu'il avait peur de ses frères et sœurs, mais il dit qu'il voyait la crainte de Dieu ou bien... le respect de l'Éternel, parce que quand peu importe quel âge ses frères et sœurs avaient, ils ne voyaient pas l'âge, ils voyaient l'Éternel. Et c'est pour cela, dans ses frères et sœurs, il avait vraiment la crainte de Jésus-Christ parce qu'il voyait l'Éternel en eux. Praise the Lord. Alléluia. And if you read the four, read the four, he said, my speech and my preaching was not with enticing words. I was not there to entertain you. Amen. Not entertainment. Enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the power of the Spirit and of power. Are you getting it? Then please let here be your homework. Just read the whole of this chapter 2. Amen. Praise the Lord. Lisez ça à la maison comme votre devoir. Really speak to you parce que all this. Amen. Lisez ça à la maison, c'est votre devoir. Praise the Lord. Amen. I was before you in fear and in trembling. It's not, he was not afraid of death. But the Christ, for him it was pure Christ. If we can live that life today, we will not fight one another. Wenn wir das leben können, würden wir einander nicht bekämpfen. Si on comprenait ça, ce qu'il a compris ici, si on comprenait ça et on se voit l'un à l'autre comme... l'un vers l'autre, on se voit vraiment comme Jésus-Christ, que tu puisses avoir le respect de l'Éternel envers tes frères et tes sœurs. On ne va même plus avoir des problèmes ici, on ne va même pas se chamailler, on ne va même pas parler l'un à l'autre n'importe comment. On va avoir un respect vraiment surnaturel. Paul never see himself as the man of the house, but Christ the man of the house. Amen. Paulus hat sich niemals als der Mann im Haus gesehen, sondern Christus. Paul ne s'est jamais vu comme l'homme de la famille, mais il a vu Jésus-Christ comme l'homme de la famille. What I will not say to Christ Jesus, I will never say it to you. Das, was ich niemals zu Christus Jesus sagen würde, würde ich auch niemals zu We should never say it to one another. How more, you know, husband and wife, what you will not say to Christ Jesus, you will not say it to your wife or you will not say it to your husband. C'est que moi, je ne veux jamais dire à Jésus-Christ, je ne dois jamais le dire ça à mon mari ou bien ma femme ou bien même mes soeurs et frères en Christ. Amen. Amen. When are you going to realize that your neighbor is Christ Jesus? Wann wirst du realisieren, when are you going to realize that? Dass dein Nächster Jesus Christus ist? Quand est-ce que tu vas réaliser que ton prochain c'est Jésus-Christ? Especially God's children. Besonders Kinder. Yeah, no, you just see the body, you keep on seeing the body. And that is why, you know, the body keep on deceiving you. You better see the inside, just like Paul did. Du darfst nicht auf das Äußere schauen, weil sonst wird das Äußere dich immer wieder trügen. Du musst es in das Innere schauen, auf Christus, also wie Paulus das getan hat. Surtout nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas voir l'extérieur, on voit toujours l'intérieur. Tout comme Paul, ici, il n'a pas vu la chair, il n'a pas vu, ok, c'est Jennifer ou bien c'est Messi, il a vu le Christ en eux, en fait. Praise the Lord. Alléluia. You know, the disciples, you know, Jesus' message, the disciples, they were, I'm sure they were, for them it was, you know, that's why once it comes to Christ, we need the Jean power, 14. We need the power of the Holy Spirit to be able to get it. Wenn es Christus geht, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, das zu verstehen. Quand il s'agit de Jésus-Christ, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour le comprendre. Amen. Amen. In verse 1, look at it. You know, Jesus was almost confusing the disciples. If you read here, John 14. In verse 1, he said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. He separated himself from God here. He said, you believe in God, believe also in me. Then later, they now say, show us the Father. Are you getting something here? And it now says, I am the Father. They say, You just separated yourself in the verse 1. That, and now you are, you know, we really need the power of the Holy Spirit. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, das Wort Gottes zu verstehen. Weil sonst, wie in dieser Stelle, wird man denken, dass sich das Wort widerspricht. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Parce que ici au verset 1, il dit « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Et puis, et après, il dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Donc, si tu regardes ça charnellement, tu seras confus. Tu vas dire « Mais comment ça, tu dis que toi et ton Père, vous êtes une personne ?» Et maintenant, tu dis que « Croyez en lui et croyez en moi ». Donc, tu te sépares encore. Mais quand est-ce que tu te sépares, quand est-ce que tu ne te sépares pas? C'est pour cela qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour comprendre ce message. In verse 8, it says, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and we will be satisfied. Because you said in verse 1 that we should believe in the Father, we should believe in you. You understand me? And now he says, show us the Father. Then Jesus, in verse 9, said, Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how say thou then, show us the Father? Verset 8. Philippe lui dit... Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Verset 10. Believe thou not that I am in the Father and the Father in me. The word that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit uns hilft. On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider. No wonder in John 16 he said you need the power of the Holy Spirit. Kein Wunder, Johannes 16 sagt er, to help you to grasp the truth. Dass du die Kraft des Heiligen Geistes brauchst, die Wahrheit zu greifen. Et c'est pour cela il nous dit, maintenant on comprend aussi pourquoi il nous dit qu'on a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre les choses. It's like you and me today. You know, sometimes you know, if I'm seeing your body and not seeing Christ, the same thing with what in John 14. That the question Philip asks is the same thing we are doing. Amen. You know, we are not seeing. If we are seeing the body, and not seeing the Christ in us. We are asking the same question. We are still asking the same question today. We are still living that's the same environment today. Wenn wir nur den Körper sehen und nicht den Geist, dann werden wir die gleichen fleischlichen Fragen stellen wie die Jünger. Si on voit seulement le corps et pas l'esprit, on va commencer à poser les mêmes questions que les disciples. You know, you will say, you know, from there you say, Philip was doubting Jesus, was not seeing the Father in Jesus. The same thing, you are not seeing Christ in your brothers and sisters. You are not seeing Christ in your wife, in your husband. Are you getting it? Mm-hmm. You are not seeing, the same thing is still going on. When are we going to grow out of the flesh and see the Spirit? Und das Gleiche passiert auch hier immer noch, dass Philippus den Vater an Christus nicht sieht, Christus nicht als den Vater sieht, also ihn nicht als Gott sieht und nicht erkennt, weil er nicht auf den geistlichen Aspekt von Christus sieht, sondern vom Fleisch, vom Äußerlichen geblendet ist. Und genauso so sind wir vom Äußerlichen unserer Geschwister noch geblendet und sehen nicht ihren Geist, sehen nicht Christus. Und deswegen behandeln wir sie immer noch so oder sehen wir sie immer noch so oder stellen diese gleichen fleischlichen Fragen, weil wir sie nicht geistlich sehen, sondern physisch betrachten. Tout comme Philippe ici, il a demandé, fais-moi voir le Père, c'est comme nous aujourd'hui, quand tu as un problème avec ton frère ou bien ta sœur, tu n'es pas capable toujours d'avoir le Jésus-Christ en lui, tu commences à lui séparer de l'Éternel. Et c'est pas bien. Et on doit commencer à réaliser en toujours se voir l'un à l'autre, seulement voir le Père, Jésus-Christ en nous. Donc, on doit considérer le sang de Jésus-Christ à chaque fois. We have to learn to live in the Spirit and walk in the Spirit. Wir müssen lernen, im Geist zu leben und zu wandeln. On doit apprendre à vivre en esprit et aussi à agir en esprit. Amen. Galates 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, lass uns auch im Geist wandeln. Dans la Galates 5, 25 nous dit, si on vit en esprit, on doit aussi agir en esprit. You know when you are here, you see your husband, it's not Christ. You are seeing, you see your husband as a man. You see your wife as just a woman. Then you are of the flesh. You are carnal. You are joking with death. That's what you are joking with. You are playing with fire. Jesus said, "Woe unto those that are here." He said, "Our world is heavenly world." Are you getting it? We learn to live there. You learn it every day. It's like exercise. You know, your exercise. You keep on making exercise so that you can get one thing or the other. In Christ's word, there is exercise. You exercise yourself into the truth. Amen? Mm-hmm. That you no more need to remind you. You just live there. It's mm-hmm. now your lifestyle. Become your lifestyle. Deswegen sagt ja auch der Herr in Offenbarung 12,12, dass wehe denen, die auf Erden leben, ne? Weil wehe denen, die fleischlich gesinnt sind, die fleischlich urteilen, die fleischlich sehen, ne? Und deswegen ihre Ehemänner als Fleisch sehen, ihre Ehefrauen als Fleisch sehen und deswegen so mit ihnen handeln und sie eben nicht im Geist sehen und nicht erkennen, dass sie Christus sind. C'est pour cela la Bible nous avertit, il nous dit que de faire attention aux êtres humains qui sont en train de marcher dans la chair. Parce que quand tu marches dans la chair, tu n'es pas capable d'avoir ton prochain comme Jésus-Christ. Et ça, c'est dangereux. Amen. Amen. In Hebrew, put some tea here, please. Hebrew 5, verse 12. Hebrew 5. Hebrew 5. Verse 12. From verse 12 to the end. Hebrew 5. Praise the Lord. Hébreux 5, 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It says, for when? For the time you are to be teachers, you have need that one teaches you again, which be the first principles of the oracles of God. And I become such as have need of meat and not of strong meat. 13. For everyone that useth meat is unskillful in the world of righteousness, for he is a babe. But strong men belong to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Mm. Are you getting it? Mm-hmm. Exercise. There's another place we go to again that talked about exercise. Yeah. That is in First Timothy 4. On va maintenant lire 1 Timothée 4, versets 7 à 8. Là aussi, il s'agit d'exercice. Praise the Lord. Alléluia. 4, versets 7 and 8. Are we there, please? Mm. He said, but refuse profane and old wise fable, and exercise yourself not her unto godliness. For bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. There's the bodily exercise, there's the spiritual exercise. Es gibt die körperliche Übung und aber auch die geistliche Übung. Ici on voit qu'il y a un exercice charnel et aussi un exercice spirituel. Praise the Lord. Yeah. Are you getting it? Mm. Amen. Let's go back to Acts 7, please. Acts 7. Apostelgeschichte 7. Acte des Apôtres 7. Verse 25. For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not. Amen. Amen. And the next day he showed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, sir, where are you brethren? Sir, ye are brethren, sorry. Why do ye wrong one another? Are you getting it? You are family. Is that why familiar? Fight you one another? You became free family. Another. You know, in the natural world, to fight is natural. Mm. In Christ's world, it is forbidden. In der natürlichen Welt isn't, it is evil. Where envy and strife is, there is every evil war. You open the door for Satan to come in. You will not like the result. In der natürlichen Welt ist normal, dass Streit und Kämpfereien im Haus sind. Aber in Königreich Gottes ist eben nicht normal. Ist das nicht normal? Im Himmel streitet sich keiner, da gibt es keine Diskussion. Da ist Frieden im Ruf von Christus. Und deswegen sollten wir auch danach streben, dass sein Wille wie im Himmel so auf Erden geschieht. On doit comprendre que nous sommes pas comme les gens de ce monde, parce que avoir des problèmes, des disputes, de se blesser l'un à l'autre, c'est un système charnel. Mais nous sommes les enfants de Dieu, on marche dans les systèmes spirituels. Et ici, on le voit quand on est un dans l'éternel, on ne doit pas aussi marcher comme les gens de ce monde. In Benin, they say, you know, husband and wife is where they build the house of fighting and misunderstanding. It's, you know. You see, that is normal for husband and wife to fight. But the Bible said, where strife, envy and strife is, there is every evil work. Mm-hmm. And you wonder why things are not working. And when you are the one, you fight. You know, have you ever seen Jesus and the Father fighting? No. Mm-hmm. They never fight. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Benin beispielsweise sagen die Leute, dass die Eheleute ein Haus für Streit, ein gemeinsames Haus für Streit sozusagen bauen. Oder sie sagen auch, dass wenn selbst du manchmal auf deine Zunge beißt, deine Zunge ist so nah an deinen Zähnen und selbst deine Zähne beißen sogar manchmal auf deine Zunge. Und das heißt, dass selbst da Streit entsteht, obwohl die sich so nah sind. Das ist dann die Ehe, natürlich streitet ihr euch, das ist normal, aber nein, das ist das böse System dieser Welt. Haben wir mal gesehen, dass der Sohn und der Vater sich, dass Jesus und der Vater sich gestritten haben? Nein, sowas gibt es nicht. Da ist Harmonie, da ist Einigkeit und das, danach sollten wir halt auch streben. En fait, à Bénin, là où on vient, ils disent aussi que dans un mariage, c'est normal de se disputer, d'avoir des problèmes, de se chamailler, parce que même si tes dents et ta langue peuvent se chamailler quand tu mords ta langue, si ça c'est possible, pourquoi pas se chamailler dans un foyer? Donc c'est normal, c'est la chose la plus normale du monde. Ça c'est le système de ce monde. Mais chez nous, le système de l'éternel, de notre royaume, donc là où on vient, c'est quelque chose qui ne marche pas parce que tu n'as jamais aussi vu ou bien tu n'as jamais écouté même dans la Bible où Jésus-Christ et le Père qui se sont déjà chamaillés ou bien ils ont une dispute. Ça n'arrive pas, dispute. We live in heavenly world from here. Wir leben in der himmlischen Welt von hier aus schon. On habite dans le royaume des cieux déjà d'ici, dès ici, d'ici. Déjà sur terre. That's what Paul said in 1 Corinthians 6. Das sagt Paulus in 1. Korinther 6. Amen. Korinther 6. From verse 1. Look at it. He said, "Dear, any of you having matter against another, 1 Corinthians 6, 1. Go to law before the unjust and not before the saint." Quelqu'un de vous. I thank the Lord for this ministry. You know, before we already misunderstand, people go to unbelievers and just pour everything. Amen. That's what the writer of 1 Corinthians, that is Paul, is talking about here. Mm. Früher haben Leute sich in der Gemeinde gestritten und haben das mit ihren weltlichen Freunden und Bekannten ausgehandelt oder haben sich dort Rat geholt. Haben sich dort Rat geholt bei Leuten, die religiös sind, Atheistisch oder sonstiges sind und haben sich dann gewundert, weshalb hier dann halt Krieg herrscht. Ici, par exemple, il nous dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a indifférent avec une autre, ose-t-il parler devant les injustes et non devant les saints? Ici, il parle, par exemple, dans une famille, par exemple, maintenant ici, quand on a les disputes, on est en train de parler ça seulement ici à la maison, entre les saints, ce sont nous les enfants de Dieu. Tu ne parles pas chez quelqu'un d'autre, de ta mère, ou bien chez ta fille, ou bien chez une amie à toi, qui ne croit même pas en Jésus-Christ. Et c'est ça, elle n'est pas saint, elle n'est pas une sainte, elle est une injuste parce qu'elle ne croit pas à Jésus-Christ, ou bien pas seulement à l'église ordinairement comme ça, mais qui n'a pas une relation vivante. Ça, c'est faux. You don't take any misunderstanding here and be broadcasting it outside. He said, it is only before the saint. Mm-hmm. They are not saint. You go there, you don't, you know. I tell the Lord that, you know, this ministry is like filter. The Lord filter it. Mm-hmm. The evil take them away. Yeah. And we are grateful. Mm-hmm. I am grateful. Grateful. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Genau. Nicht mehr diese Mentalität, dass man halt unter Geschwistern in Christus halt eine Diskussion hat oder eine Streitigkeit hat und dann diese Streitigkeit mit seinen ungläubigen Bekannten, ungläubigen Familie immer noch teilt und versucht sich von diesen Leuten Rat und Ratschläge zu holen dazu. Was sollen diese Leute dir dazu geben? Sie werden nur den Teufel dafür geben können, und welches, was nichts nützt. Und En fait, c'est tout comme si on a. Je remercie l'Éternel parce que ici dans cette église, on n'est pas comme ça, parce que c'était comme si on a une dispute ici. On ne parle pas chez nos familles naturelles qui ne connaissent pas la vérité, ou bien chez nos amis dehors pour leur dire, pour reporter. Parce que ici, il dit que on va devant les saints. Les saints, ce sont tes frères et sœurs en esprit, et les injustes, ce sont les gens qui ne connaissent pas la vérité. Et c'est ça qu'on doit vraiment comprendre. Et on remercie l'Éternel que les gens qui étaient toujours, qui le faisaient ici auparavant, que quand il y a quelque chose ici, pas à dire à leur mère et frère, ou bien leur famille qui n'ont pas les l'Éternel. Ils ne sont même plus ici. Ah oui, they are plus. Et c'est pour cela qu'on remercie l'Éternel. C'est vrai. Verset 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Do you know that the saints shall judge the world? And if you and if the world shall be judged by you? Amen. Mm-hmm. Are you unworthy to judge the smallest matters? Are you getting it? Mm-hmm. You know, you did not, like Jesus said to that, John 3? Nicodemus. He said, if you cannot understand the earthly things, how can you understand the heavenly things? Mm. If you cannot judge earthly, just a little earthly things here, how can you even judge the world? He said, you are going to judge the world. Jesus sagt hier, wenn ihr noch nicht mal über diese kleinen, belanglosen, irdischen Dinge richten könnt unter euch, wie könnt ihr denn über das Geistliche richten, über die Welt richten? Und das hat er ja auch zu Nikodemus gesagt, wenn du das Fleischliche nicht verstehen kannst, wie willst du denn das Himmlische verstehen, wenn ich dich damit konfrontiere? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc ça signifie que comment on veut juger les histoires en esprit si on n'est même pas capable de le comprendre? C'est tout comme il a dit ça aussi à Nicodème. Il a dit aussi à Nicodème que tu ne comprends pas les histoires élémentaires. Comment tu vas comprendre les histoires qui sont encore plus grandes? Donc, oui. Amen. You don't know how mighty you are. You just rub yourself in potopoto. Huh? You don't know how mighty you are. You don't know. It's like a king don't go into potopoto and be rubbing himself. That's how you are. Amen. If you know how mighty the Christ in you, how mighty he is. Somebody offend you, you will even pray for that person. Instead of being provoked. We have to grow out of it. It's time. Wir wissen gar nicht, wie mächtig wir sind. Wir sind so wie Könige, die sich in Schlamm wälzen, wie als ob wir ein wunderschönes, langes, weißes Hochzeitskleid anhaben und uns damit auf eine dreckige Parkbank setzen oder uns in Schlamm reinschmeißen. Und jeder sich denken würde, weißt du nicht, was du gerade trägst, wer du bist, weshalb befindest du dich in diesem Müll, wieso machst du das? Und genauso ist auch mit unserer Identität, dass wir halt uns immer noch fleischlich verhalten, obwohl wir ja umgeben sind mit der Herrlichkeit Gottes und sowas eigentlich gar nicht nötig haben. C'est comme si pour cela, Jésus-Christ, c'est comme s'il veut nous dire que vous ne comprenez pas comment vous êtes puissant dans l'Éternel. C'est comme si nous sommes comme des rois qui ont une longue voile, une longue robe blanche et tu entres dans une boue et puis tu es en train de danser ou bien de te mettre de nager dans une boue totale sale là-bas, la boue sale par exemple, et c'est ça qu'on comprend, nous sommes comme ça, mais on doit comprendre que nous sommes des rois et on n'a rien à trouver, rien à chercher dans une boue totalement sale par exemple. Praise the Lord. Hallelujah. You're fighting one another, I mean you wear that white garment that the Lord has given you. And you just fall into that rubbish. Mm-hmm. And rub yourself and just say you don't care. Ja, einander zu bekämpfen und Fleisch zu sein bedeutet, dass wir einfach uns in diesem weißen Gewand wieder in diesen Schlamm begeben, aus dem wir eigentlich rausgezogen worden sind. Et c'est pour cela nous sommes des princes, nous sommes des rois, donc on n'a rien à chercher dans une boue, dans la boue. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention de rester là où on doit être. Donc, Vers 3. Felix, you help us to reach out. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Those that are going to judge the angels, today they are fighting, tomorrow they are rejoicing. The next day fighting is coming again. They are unpredictable. Die Leute, die Engel your wife cannot predict you, your husband cannot predict you. You cannot predict one another. Sind heute Jesus is never like that. He is the same yesterday, today and forever. Mm. die Leute, die die Kinder Gottes, die angeblich die Never. Engel richten sollen, sie sind heute gut drauf, heute in Christus und morgen wieder im Fleisch. Sie sind unberechenbar. Man weiß nicht, okay, ist diese Person mit einem guten Fuß aufgestanden? Kann man auf diese Person zugehen oder muss man wieder einen Bogen um sie heute machen, weil sie eben nicht gut gelaunt ist? Und Christus ist niemals so. Christus ist immer der gleiche, gestern, heute und für immer. Aber wieso sind wir das nicht? Les enfants de Dieu, eux sont en train de se... Ils sont en train de se réjouir. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Demain, ils ont des problèmes. Après, demain, ils se réjouissent encore. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que nous, nous sommes le Christ. On doit être constant. On doit se réjouir et être en paix ensemble, constant. Nous sommes un aussi en esprit constant et pas aujourd'hui et demain comme ça. Amen. Are you getting it? We cannot even speak to one another freely. Because we don't know what is going to provoke one another. Und deswegen können wir that is not Christ. Und it should never, it should be forbidden in Christ's house. Christ hates it. Are you getting it? He hates it. And we are to hate it. We are to, you know, if your brother, sister, if we speak to you anyhow, don't believe that that is Christ that speaks through her. Amen. Mm-hmm. And if Christ speaks to you, no matter how Christ corrects you, you will even love you. Say yes, sir. Amen. Mm-hmm. Und ich fange von hinten an. Genau, wenn wir Christus sehen würden, würden uns das auch egal sein, wie unsere Geschwister uns belehren. Selbst wenn es schroff klingt oder wenn es hart klingt, wir werden trotzdem demütig das Wort annehmen, weil es vom Herrn kommt, weil wir ja glauben, dass der Herr durch diese Person spricht. Und wir würden einfach sagen, thank you, sir. Ja, Madam. Ja, Herr, danke schön für diese Worte, danke für diese Belehrung. Und das würde uns nicht provozieren, sondern wir wären dankbar für diese Belehrung. Par exemple. Der zweite Teil ging es darum, dass wenn deine Schwester oder dein Bruder irgendwie respektlos mit dir reden. Es darf ja auch nicht sein, dass wir bei Geschwistern das Gefühl haben, dass wir auf Eierschalen laufen, dass wir nicht wissen, was wir sagen, wie wir es sagen, dass wir gucken müssen, dass wir die Worte genau verpacken, damit wir niemanden auf die Füße treten. Und das ist nicht Christus. Das ist auch nicht Freiheit in Christus. Et c'est pour cela qu'on doit faire attention. On doit pas parler, par exemple, n'importe comment. À vers l'un à l'autre parce qu'on a le respect de Jésus-Christ et on doit aussi se voir l'un à l'autre parce que si tu es une personne qui est directement directe, tu fais les histoires, tu parles, tu es en train de reprocher dans l'esprit, mais tu le dis dans une manière un peu bizarrement comme ça, ça peut aussi provoquer que ton frère ou bien ta soeur commence à avoir aussi peur de toi. C'est pas aussi juste, c'est pas bien, c'est pas aussi de l'esprit. Tout comme aussi de l'autre côté aussi, même une soeur ou bien un frère. N'importe comment, moi, je veux parler avec toi, par exemple. Toi aussi, tu dois voir que c'est Jésus-Christ qui parle aussi à toi. Donc, tu vois, n'importe la manière que la personne a dit une chose. Si c'est la vérité, tu dois dire avec tout respect, oui, maman. Avec le respect, tu vas au kundima, tu vois. Et donc, tu vas l'accepter. Ça signifie que de deux côtés, tous les côtés doivent voir aussi Jésus-Christ. Le côté là parle en respect de Jésus-Christ et le côté là ne prend pas les histoires personnelles et voit Jésus-Christ dans la chose. Yes, complain everywhere. This one is saying here, the other one is saying who, the other one is saying he. No, complain everywhere. That's not Christ. Aber überall sind Beschwerden. Christ never complained about you. Und jeder hat was anderes zu sagen. Jeder hat was Christ anderes never complained about Christ. Zu bemängeln. Aber Christus sollte sich niemals über Christus beschweren. Et tout le monde est en train de se soucier, l'autre qui pleure, l'autre qui est offensé, l'autre qui a mal du cœur, l'autre qui fait ceci, cela. Et ça, ce n'est pas Jésus-Christ. On doit seulement voir Jésus-Christ et avoir nos yeux vers l'Éternel. Amen. Amen. Again, verse 3. Know ye not that we shall judge angels, how much more things that pertain to this life. If then ye have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. 5. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Mm. They see you, they are laughing. Yeah. They see you, they are laughing. They say, look at them. Thank God I'm not part of them. Maybe yeah. I could have been fighting like that. Sie sehen euch, sie sehen uns und machen sich über uns lustig, denken sich, boah, Gott, gut, dass ich nicht ein Teil von diesem von diesen Leuten bin. Aber wir sollten Buße tun. Par exemple, quand on se chamaille, les gens s'ils nous voient à l'extérieur vont dire que Dieu merci, je ne suis pas partie, je fais pas partie de leur assemblée. Mais c'est pour cela qu'on doit se repentir, on doit se voir un. C'est vraiment important pour notre unité. Verset 7. Now therefore, there is a fault among you because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Mm. Why not say, okay, I'm wrong? Let the peace of the Lord reign. Mm. Amen. Are you getting it? Bevorteilen und sagen, okay, ich liege falsch. Okay, it's okay. Aber das aber auch wirklich in Christus wirklich auch meinen. Nicht nur, es einfach nur zu sagen, wenn man keinen Bock mehr hat, zu diskutieren, sondern es wirklich sagen. It's not that, okay, I'm wrong, but I will not speak again. I will not speak again. That's not how to say. That is not what he's saying here. Mm. Are you getting it? Mm. I'm wrong. I'm like, okay, I'm wrong. But I will not. Next time, I will know how I talk. That's not what Paul is saying. Mm. Are you getting it? Hier geht es nicht aus Sturheit, alles wieder unter den Teppich zu kehren, sonstiges zu machen, dann einfach das Unrecht anzunehmen, sondern hier geht es wirklich darum, aus reinem Herzen, einfach aus Christus heraus das zu sagen und einfach diese ganze Sache sozusagen ins Meer zu schmeißen und weiterzugehen, wie Christus das ja auch mit unseren Sünden getan hat. Ne? Ici, par exemple, il a dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Donc, pourquoi on ne se dit pas que, ok, c'est quelque chose, c'était pas bien, mais j'accepte d'être au tort, mais pour que la paix de l'Éternel puisse régner. Donc, pas que tu dis que j'accepte d'être tort, mais ça m'intéresse pas, ben, je ne veux plus rien dire, de rester têtu comme on le fait, mais accepter d'avoir tort pour rester en esprit. Amen. Amen. You know, if you say I'm wrong, but somebody offend me, you know, you are not repent. That's not repentance. Mm-hmm. Amen. That's how you know somebody that is not, that there is no repentance mm-hmm. in him. If he's saying, okay, I'm wrong, but that best should never come in. Yeah. It's forbidden to come in. Don't bring it in at all. Mm-hmm. Amen. That's what Paul is saying here. If you just say, I'm wrong. I know that I'm wrong, but say, no, but I have to be careful now how I speak to people. Mm. Then you are on repentance. Mm. Buße mit einem Aber ist keine Buße. Ne? Also wenn wir nach unserer Buße immer noch ein Aber haben, dann haben wir das nicht verstanden. Und deswegen müssen wir da wirklich ehrlich sein und diese Buße wirklich vor Christus machen. Dann wird da auch ein Punkt vorkommen und nicht wieder ein Nebensatz, wo man sich versucht, wieder recht zu fertigen oder sein fleischliches Verhalten zu rechtfertigen. Et se repentir, ça signifie pas que tu dis que oui, j'accepte, je me repens, mais je veux plus rien dire, mais je veux regarder et voir comment je veux parler avec ça, c'est pas se repentir en fait. Amen. Amen. Verset 8. Ah. It says, nay, you do wrong and defraud and doubt your brethren. Know ye not, verse 9, that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves. It's talking about the fruit. Amen. Es geht um die Frucht. Ich sehe, es ist die Frucht, die daraus entsteht, wenn wir halt nicht auf Christus schauen. Revealer, nor exhaustioner, shall inherit the kingdom of God. Praise the Lord. Ici, il parle des fruits qui se produisent quand tu ne regardes pas vers Jésus-Christ. Il dit que, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui... non, il dit ici, n'en savez-vous pas que l'injustice n'héritera point le royaume de Dieu. Ah, pardon. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni des idolâtres, ni des adultères, ni des efféminés, ni des infâmes. Praise the Lord. Amen. In verse 26, Moses was trying to correct them. Then verse 27, look at what somebody said. But he that did his brethren wrong. On va rentrer à Actes des Apôtres 7, 27. Mm-hmm. Apostelgeschichte 7, Vers 26. Amen. Amen. Verse 26 said, the next day he saw them and he wanted to correct them. Mm-hmm. Amen. Then in verse 27, but you know, in correction, somebody is provoked. In dieser Zurechtweisung ist jemand provoziert, fühlt sich jemand angegriffen. Mais dans une correction, quelqu'un se sent provoqué. Amen. Some are provoked, they don't say anything. They don't want to talk to anybody again. Und einige Leute sind provoziert und wollen dann rum. Stew? Stew. Oh, you're hungry. Stew, they will just be, you know. The light is on nobody at all. Mm. And everybody are talking. They're just being, you know, that is evil. Mm. You are dealing with yourself. Your body is a vessel for Satan. Mm. Wherever you speak, let it end there. I've learned it. You learn it. Amen. Yeah. If you have any report, immediately you are living there. You are no longer of that type there at all. You can see sometimes I correct you. I just said, you don't do that. You don't do that. Before you know it, I'm in the kitchen cooking for you. Why? Because you learn to allow Christ to reign in your heart. Mm. Don't keep anything of anybody. Don't allow, you know, you don't go to hell. You will not make, you don't like to go to hell because of anybody on that day. Your heart is so full of fighting, misunderstanding, you know, grudges, what they did to you, and Jesus just come. For example, I say, Martin kept in his house, so he is. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Und wir dürfen halt auch nicht zulassen, dass wir dann halt auf einmal dann genau, weil wir jemand belehrt uns beispielsweise und diese Belehrung provoziert uns so krass, dass wir dann auf einmal nichts mehr sagen und richtig still werden und nur noch für uns sind und ruhig sind und nichts mehr dazu sagen. Und dazu, wenn wir so handeln, machen wir uns auch zu Gefäßen des Satans. Ne? Und wir dürfen halt auch nicht zulassen, dass nachdem wir halt, nachdem diese Sache halt ausgesprochen worden ist oder man diese Diskussion oder sonstiges hatte, muss man das halt auch einfach tot und begraben lassen. Ne? Also das, was man aus, ne, wenn man dieses Erbrochene, wirst, ne, nachdem du erbrochen hast, spülst du dir auch die Toilette ab, damit das weggeht. Du hebst das ja nicht auf und nimmst das mit zur Arbeit oder sonstiges. Ne? Das ist ja auch Unrat, das willst du ja nicht mitnehmen überall mit. Aber leider machen wir das, nachdem all diese Sachen passiert sind, nehmen wir das immer noch gedanklich mit und verbreiten das sogar vielleicht noch an andere. Und wenn auch beispielsweise in so einer Situation, wo wir dann die ganze Zeit in diesen Gedanken gefangen sind und so und das so verletzt, wir so wütend sind, so enttäuscht sind, auf einmal kommt Jesus Christus wieder. Ne? Und wir wollen doch nicht so von ihm angetroffen werden, in so welchen üblen Gedanken. Said, prepare your heart. Ne? Deswegen sollen wir ja auch unser Herz prepare before him. All the time be prepared. You have to be like somebody waiting for the arrival. L'Éternel nous a dit de préparer notre cœur à chaque fois, chaque moment. Pourquoi il dit ça? Parce que tu ne peux pas laisser que quand un frère ou bien une sœur fait quelque chose, ça t'offense d'une manière que toi-même tu n'es plus en Christ. Toi-même tu es vraiment si fâché que... Imagine que dans ce moment-là où que tu es fâché parce que tu réagis à ce que ton frère et ta sœur t'a fait, dans ce moment-là que l'Éternel vient, tu n'aimerais pas risquer de partir en enfer à cause de ton frère ou bien de ta sœur. Et ça, c'est pas bien. Ça signifie que quand vous parlez, c'est pour cela que maman dit aussi quelquefois, quand elle se fâche, elle nous dit quelque chose, c'est aussi elle la première personne qui part pour nous préparer quelque chose à manger. Elle nous fait du pourré ou bien à manger. Parce que elle parle et puis c'est directement. Et c'est comme ça que ça doit être dans le royaume des cieux. C'est pas que tu parles, ça reste dans ton cœur, ou bien tu ne dis rien, tu rentres à la maison, ça te travaille, tu donnes ça aussi à... Tu en parles aussi à autre personne, tu es en train de semer aussi une graine dans leur cœur, par exemple. Donc, il faut laisser que ça puisse... Le Saint-Esprit puisse travailler et pas que la chair puisse avoir une grande place. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Imagine all the suffering. Amen. All you are believing him just for a little thing, you miss it. The pain, you will have more pain more than the unbelievers. Unbelievers, they don't even care. That's why God's children, Jesus said it. We cannot go there. There's no time. Amen. Mm. Concerning the preparation, waiting, you should be like somebody waiting and preparing and saying, he's coming. Mm. And not, you say that person that just forget totally, that just say, well, you have been saying he's coming, but he's not coming. Mm. And you just allow every, you know, allow Satan to now, your body is now a vessel for Satan. You will regret it. Mm. Amen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Körper ein Gefäß des Satans wird und wir dann halt, wenn der Herr wiederkommt, er uns in einer Situation antrifft, wo wir halt einfach Werkzeuge des Satans sind und nicht Werkzeuge des Herrn, also keine Gefäße des Herrn, weil wir so verbittert sind und so voll von diesen fleischigen Gedanken sind, dass wir nur noch uns selbst sehen und sogar in diesen ganzen Gedanken dann auf einmal sogar den Herrn verweigern und deswegen sogar unsere Rettung aufs Spiel setzen und all diese ganzen Jahre, die wir einfach unsere Beziehung mit Christus hatten, einfach dafür vergeuden, wegen dieser kleinen Sache, ne, wegen einer kleinen Sache und dazu darf es nicht kommen. Wir dürfen auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass er wiederkommt und sagen, ach, die Leute haben schon jahrelang gesagt, dass er wiederkommt, aber irgendwann wird er wiederkommen und wir müssen uns wir müssen vorbereitet sein, dass wir, dass er uns so antrifft, wie er uns antreffen soll. Amen. En fait, on doit aussi vraiment se préparer notre cœur. C'est vraiment important parce qu'on ne doit pas vraiment risquer de partir en enfer seulement juste pour une petite chose. Une petite chose, c'est une chose banale, c'est passé comme ça et toi tu le prends dans ton cœur, tu laisses que tu ouvres la porte au diable qui puisse travailler ça dans tes pensées parce que lui il aime comme ça et là il a accès à toi et ça c'est vraiment très dangereux, on doit vraiment vraiment apprendre et être vigilant. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to Matthew 24, he's there. Talk about, he says, he used Noah to describe it. Amen. Mm-hmm. From verse... Matthew 24 from verse 32. In Matthäus 24, 32, da wird es auch erklärt, und da wird die Wiederkunft des Herrn beschrieben mit Noah, als es plötzlich anfing zu regnen und Leute waren am Heiraten, Leute waren gerade auf dem Weg zur Arbeit, Leute haben gerade Kinder bekommen, Leute streiten sich gerade, Leute kaufen gerade was ein, auf einmal kommt das Wasser, auf einmal kommt dieses Wasser und nimmt alles mit und zerstört alles und genauso wird auch der Herr wie ein Dieb kommen, ohne Vorwarnung. On doit faire attention parce que l'Éternel, lui, il va venir comme un voleur. Donc, sans que tu puisses le savoir, il va te brusquement comme ça, il sera là. Et c'est pour cela que tu dois faire attention, tu dois préparer ton cœur. Praise the Lord. Hallelujah. So now, from verse 32, he said, now learn a parable of the fig tree. When its branch is yet tender and put forth leaves, you know that summer is nigh. Amen. The coming of Christ is at hand. Das kommt von Christus ist nah. Amen. Then verse 33. So likewise ye, When you shall see all these things, know that it is near, even at the door. 34. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Verse 36. Verset 36. But of that day an hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving marriage. Amen. Until the day that Noah entered into the ark. 39. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. They shall two be in the field. The one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill. The one shall be taken and the other left. Watch therefore, for you know not what hour your Lord doth come. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You are occupied with misunderstanding, fighting one another. And it just comes. Ihr seid umgeben von Diskussion, Streit und See, if you win in that fight, Kampf. May you go to hell. Und selbst wenn du diesen Kampf, diese Diskussion gewinnst, hast du deine Ewigkeit verloren, du gehst in die Hölle. Verset 42 nous dit que « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ça signifie que tu peux te retrouver en train de te chamailler avec un frère ou bien une sœur, mais dans le moment-là de cette dispute-là, l'Éternel vient et il te surprend. Tu vas partir en enfer, même avec, même si tu as gagné la bataille, par exemple. Tu vas partir avec ça en enfer. C'est pour cela que c'est important de seulement être, de veiller et de rester en esprit. Verset 43. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Amen. 44. Therefore, be ye also ready. For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Who then is the faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Let me read it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants us to be prepared. Amen. Je suis fort. Amen. Il veut qu'on puisse se préparer. Amen. Amen. It's time we repent. C'est la zeit, dass wir Buße tun. C'est le temps qu'on puisse se repentir. Let us be one with one another. Lass uns eins sein miteinander in Christus Jesus. On doit apprendre à être un. L'un envers l'autre en Jésus-Christ. Lass nicht zu, dass der Körper dich trügt. On ne doit pas vouloir que notre que la chair puisse nous confondre. Satan is using the body to deceive God's children. Der Satan we see body, we never see Christ. If we see Christ, we will hate whatever we are doing to one another. Um Leute zu they are evil, we will hate it. Nutzen, wenn wir das erkennen würden, dann würden wir das auch hassen, das nicht mehr zulassen. On doit vraiment détester d'être en la chair et de ne pas ouvrir laisser l'opportunité au diable de nous confondre. Amen. Amen. You know, if Jesus is right there, that very place, then will you speak to them? Will you speak to Jesus? You speak to your wife or your husband? Are you getting it? We should, you know, it's not yeah, no, yeah, no, yeah, no. It's let it be yes, it's Christ. Amen. In verse, back to Acts 7. Und wäre Jesus wirklich physisch da anwesend, würdest du dann genauso mit deiner Frau oder mit deinem Ehemann so reden? Und wir müssen uns halt fragen, wir können halt nicht immer die Gegenwart von Jesus an die Gegenwart von Jesus Christus glauben, wenn es uns passt. Ne? Sondern sie muss halt stetig für uns real sein und auch der Grund sein, weshalb wir Dinge tun oder nicht tun. On doit faire attention, on doit se demander, est-ce que tu vas parler comme ça, comme tu es à ta femme ou bien, comme tu parles maintenant à ta femme ou bien à ton mari ou bien envers tes frères et sœurs en Christ, est-ce que tu vas parler aussi comme ça à Jésus-Christ? Et c'est ça la question que tu dois te poser, parce que si tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui je vois à la présence de l'Éternel en elle et demain je ne vois pas et après demain je vois encore, c'est pas seulement comme tu dois te décider ou tu me vois permanent ou bien tu ne me vois pas permanent, c'est ça le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 27, please go back to Acts 7, 27. 7:27. Acts des Apôtres 7:27. But he that did his neighbor wrong, thrust him away, saying, who made thee a ruler and a judge over us? Mm. You see the voice of the of the evil one. Bitte die Stimme des Bösen. Amen. Ici, tu vois la voix du mal. 28. Without coming, as thou did the Egyptian yesterday. 29. They fled Moses at this sea and was a stranger in the land of Media, where he begot two sons. Praise the Lord. Hallelujah. And when 40 years were expired, there appeared to him in the wilderness of Mount Sinai an angel of the Lord in the flame of the fire in the bush. In verse 29, he said he ran away. Why? He fled. Ist geflohen um sein Leben. Because of the flesh. Und in Vers 29 wegen seinem Fleisch. Ici on voit qu'il a fui. Pourquoi? À cause de la chair. You can see the motive is good. Das Motiv war gut. Tu peux voir que le motif the était deliver. Bien. Der Erlöser. Aber das Wie. Tu peux voir que le motif était bien, mais le comment, ce n'était pas de l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nothing of Christ is natural. Nichts von Christus ist natürlich. Rien de Jésus-Christ est naturel. Zachariah 4, verse 6. Go to Zachariah. Zachariah. Zaché. 4, verset 6. Vorletzte Buch im Alten Testament. Zachariah 4, 6. Zacharie. Zacharie 4, verset 6. Amen. He said then, he answered, and spake unto me, saying, this says the word of the Lord unto Jerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by the Spirit, said the Lord. Things of Christ Jesus, they are all of the Spirit. Dinge von Christus Jesus, alle vom Geist. Alors il reprit et me dit, ceci est la parole de l'Éternel adressée à Zerubbabel, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça signifie que les histoires de Jésus-Christ, c'est toujours différent, c'est spirituel. Amen. Amen. The flesh can achieve nothing. Das Fleisch kann nichts bringen. Nützt nichts, wenn es um Christus geht. Das wird dich sogar in Probleme bringen. La chair ne sert à rien quand il s'agit de Jésus-Christ, parce que ça va même te mener à des problèmes. Your motive may be Christ, doing things in the flesh. You know, the way that seems right unto you. Satan will still kill and destroy. Dein Motiv ist vielleicht richtig, aber der Weg, der Satan wird dadurch stehen, töten und zerstören. Ton motif, ça peut être Jésus-Christ, mais si ton chemin, c'est pas Jésus-Christ, le diable va venir pour voler de toi et pour te détruire. Remember, nothing of Christ is of the flesh, but of the Spirit. Nichts von Christus vom Fleisch, sondern vom Geist. Johannes. Rappelle-toi, rien de Jésus-Christ est charnel, c'est tout est spirituel. Amen. Amen. You know, I always say the most dangerous people on earth, they are God's children. Ich sage es immer wieder, dass die gefährlichsten Menschen auf Erden die Kinder Gottes. Je dis ça toujours que les gens les plus dangereux dans ce monde, ce sont les enfants de Dieu. Jesus said it here. Jesus sagt es. Jésus-Christ, il a dit ça. In Matthew 26, we go to both. John 18, first of all, John 18, verse 10 and 11. Mm-hmm. Peter caught somebody's ear. Somebody's ear. You know, physical fight. We don't fight. The Lord fights for us. Wir kämpfen nicht, der Herr kämpft für uns. Jésus-Christ l'a dit ça ici à Jean 18, 10 à 11, quand Pierre, il a coupé les oreilles de quelqu'un. Dieu a dit qu'on est en train de... Notre combat, c'est spirituel et pas charnel. 10 and 11. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his ear, his right ear. The servant name was Marcus. Verse 11. Then said Jesus unto Peter, put off the sword unto the shield. The cup which my father has given me, shall I not drink it? Please let us go to the Matthew version of it. Matthew 26. Matthew 26. On va lire la même chose, mais dans une autre version de Matthieu 26. Matthew 26, from verse 21, verse 51 to 53. 51 bis 53. Matthieu 26, 51 à 53. Praise the Lord. Matthew 26, verse 51. Are we there, please? Mm-hmm. And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck a servant of the high priest and smote his off his ear. 52. Then said Jesus unto him, put up again the sword into its place. For all they that take the sword shall perish with the sword. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father? Ah! You know, 53 is saying it is. You know, these people, they are not nothing. Yeah. In 53 wird ganz klar, dass nicht die haben ihn in der Hand, er hat sie in der Hand, aber er lässt es zu, was hier passiert. Praise the Lord. Halleluja. The spiritual world is greater than the physical world. Weil die geistliche Welt immer noch über der fleischlichen Welt steht. Ici, il dit ici à vers 53, tu ne penses pas que moi je peux pas dire à mon père, invoquer à mon père de les détruire. Donc ça signifie que il est capable même de les détruire. Donc il a dit, ça sert à rien. Lui, il voulait passer à un chemin qui est un peu qui est plus humiliant dans ce cas ici. He said, take it down that I cannot now pray to my father, and he shall presently. Give me more than 12 legions of angels. Mm-hmm. But how then shall the scripture be fulfilled? Mm-hmm. That thus it must be. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, it's not, you want to call some, how many people can you call their ears? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. One angel can destroy thousands just in a minute, in a second. Just mm-hmm. one. You know, you don't know. Praise the Lord. Wie viele Ohren willst du abschneiden? Ne? Das hat jeder nur zwei. Ne? Also Engel beispielsweise, die können ganze Städte halt auslöschen innerhalb von Sekunden. Ne? Und er sagt hier, er hat ganze Legionen, kann er aufziehen, wenn er lustig ist. Ne? Aber er tut es nicht, weil er einen Plan hat, er hat seinen Willen, den wird er strikt nachgehen. Donc, combien de personnes tu veux tailler les oreilles? C'est pas impossible de tu veux tuer tout le monde, mais lui c'est pas son chemin. Amen. Jesus here is saying nothing of mine is flesh. Jesus dit nichts von mir ist von Fleisch. Ici il veut nous faire comprendre qu'il y a rien qui vient de lui qui est charnel. Amen. Nothing of heaven is of the flesh. Nichts vom Himmel ist fleischlich. Il y a rien qui vient du ciel qui est charnel. I will quickly remind you of this before we go further. How to know Christ's will for you. wie wir den Willen von Christus für uns kennen. Je veux vous aider, on va parler, je veux vous rappeler d'une chose ici, comment comprendre la volonté de Dieu pour toi. Don't just stumble into Christ's way. Wir stolpern nicht einfach in den Willen von Christus. C'est pas que tu es par hasard dans la volonté de l'Éternel. No one can know Christ's will for him or her without love relationship with Christ Jesus. Niemand stolpert in den Willen Gottes, ohne eine Liebesbeziehung mit Jesus Christus zu haben. Il y a personne qui peut faire la volonté de Dieu sans avoir une relation vivante avec lui. Notice what I said, love relationship, not just relationship. Une relation amoureuse. Amen. D'amour avec Jésus-Christ. It's not in all relationships. Pas seulement the love relationship. Nicht in allen Beziehungen, sondern einer Liebesbeziehung. Pas seulement une relation comme quelconque, mais une relation amoureuse avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Those in love, they are under the law relationship. They are fear relationship. Amen. Die Leute, die im Gesetz sind, sie haben eine Angstbeziehung. Eine Beziehung, die von Angst beherrscht wird. Les gens qui vivent dans la loi, ils ont une relation avec l'Éternel, mais qui est basée sur la peur. Love relationship means a father and a son relationship, and not a master and a servant relationship. Aber eine Beziehung, die in Liebe gegründet ist, ist eine Beziehung zwischen Vater und Sohn, nicht zwischen Knecht und Meister. Par exemple, une relation d'amour, ça signifie une relation entre père et fils, pas une relation entre un maître et un servant. The will of Christ does not come by prayer, but by relationship, love relationship. Amen. Romans 12, 1 and 2. Quickly go there, please. Romans 12, 1 and 2. Romans 12, 1 et 3. Are we there? 12. Amen. 12, 1 and 2. I beseech you, brethren, therefore, brethren, by this mercy of God, that you present your body a living sacrifice. It's talking about relationship. Es geht hier um Beziehung. Love relationship. Ein Liebesbeziehung. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ici, il s'agit, on parle d'une relation amoureuse. Amen. And be not conformed to this world. It's talking about the new of the mind. Geht um die Gedankenerneuerung. Ici, il parle de verset 2, il parle de renouvellement des pensées. But be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is that good and acceptable and the perfect will of God. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Where we just said that it takes relationship with Christ to know Christ's will for us. Es braucht eine Beziehung mit Christus, um den Willen von Christus zu kennen. On a vraiment besoin d'une relation avec l'Éternel pour comprendre la volonté de l'Éternel pour toi. You know, the unsaved, there are so many. Die Ungläubigen sind so zahlreich. Les gens qui ne sont pas sauvés, ils sont vraiment beaucoup. None of them are under the will of Christ. Keiner von ihnen ist unter dem Willen. Sie haben alle ihre eigenen Wege. Et ils ont leur propre chemin. Through religion you cannot know Christ's will for you. Durch Religion kannst du den Willen von Christus nicht kennen. Es ist unmöglich. À travers la religion, tu peux pas comprendre la volonté de Jésus-Christ pour toi. Amen. Amen. The relationship must be love relationship. Die Beziehung muss eine Liebesbeziehung sein. La relation doit être une relation amoureuse. See, a relationship means you are under Moses. Eine Angstbeziehung bedeutet, dass du unter Moses stehst. Une relation qui est basée sur la peur, ça signifie que tu es sous la loi de Moïse. Under Moses means you are under you. It's what you do. Unter Moses heißt unter dir selbst, nicht unter dem, was Christus für dich getan hat. Être sous Moïse, ça signifie que tu es sous toi-même, c'est que toi tu fais et pas c'est que Jésus-Christ a fait pour toi. You are in law. Dann bist du im Gesetz. Là, tu es dans la loi. Amen. Amen. It means you are religious, you are under religion. Das heißt, du bist religiös, du bist unter der Religion. Ça signifie que tu es sous la religion, tu es religieux. It means also that you cannot hear the voice of the Holy Spirit. Das heißt, du kannst die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. Ça signifie que tu n'es pas capable à écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Ou à comprendre la voix du Saint-Esprit. Ou entendre. Praise the Lord. Hallelujah. You can only hear the voice of yourself. Du wirst nur deine eigene Stimme hören. You are going to hear voice, but not the voice of the Holy Spirit. Du wirst eine Stimme hören. That's why God will tell you to hear voice. But it's not the voice of the Holy Spirit, it's their own voice. Deswegen werden auch andere sagen, dass sie Stimme hören, aber es wird nicht die Stimme von Christus sein, es ist ihre eigene Stimme. Par exemple, c'est pour cela, ils vont dire que oui, ils sont en train d'écouter la voix du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, c'est leur propre voix. Their own voice is evil voice. Ihre eigene Stimme ist eine bösartige Stimme. Parce que leur propre voix, c'est une voix qui est mauvaise. It is also the voice of Satan. Das ist auch die Stimme des Satans. C'est aussi la voix du diable. Hearing and obeying his voice is his system. Seine Stimme hören und ihr nachgehen ist sein System. Écouter la voix du Saint-Esprit, entendre la voix du Saint-Esprit, ça signifie choisir le chemin du Saint-Esprit. Amen. Hearing and obeying the voice of Christ is the system of Christ. Seine Stimme hören und danach handeln, ihr gehorchen, das ist das System von Christus. La voix de écouter sa voix et de l'obéir, ça c'est le système de Jésus-Christ. If you say your motive is Christ, without Christ's system, Satan will use you. Wenn du sagst, dass dein Motiv Christus ist, ohne das System von Christus, dann wird der Satan dich nutzen. Si tu dis que mon motif c'est Jésus-Christ, mais ton chemin c'est pas Jésus-Christ, là le diable va t'utiliser. He will kill, steal and destroy. Er wird töten, stehlen und zerstören. Il va tuer, il va te détruire. He will use you to disobey God. Er wird dich nutzen, um Gott zu missachten. Et il va t'utiliser pour désobéir l'Éternel. Amen. In 1 Samuel, let's go to one example. 1 Samuel 15. Samuel 15. Amen. 1 Samuel 15. Concerning King Saul, obedience is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfergabe. Obéissance, c'est mieux d'un sacrifice. Amen. Obey the voice of Christ is better than any sacrifice. Der Stimme Gottes gehorchen ist besser als irgendeine Opfergabe. Obéir la voix de l'Éternel, c'est plus mieux que faire un sacrifice. Amen. Amen. In Proverbs 1, if you read it une from offrande. There. Amen. Samuel said, the Lord sent Samuel to King Saul. Der Herr hat Samuel zu König Saul geschickt. L'Éternel a envoyé Saül chez le roi Samuel. The voice of Christ. Die Stimme von Christus, die Stimme Gottes. La voix de Jésus-Christ. Amen. You have to obey. Wir müssen ihr gehorchen. On doit vraiment l'obéir. It might not make sense, but obey. Vielleicht macht es keinen Sinn, aber gehorche ihr. Peut-être ça n'a pas de sens, mais tu dois obéir. Amen. He says, Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee, to be king over his people, over Israel. Now, therefore, hearken thou unto the voice of the word of the Lord. Amen. Praise the Lord. Verse 2. Thus said the Lord of hosts, I remember that which Amalekah did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Verse 3. Now go and smite the Amalekah and utterly destroy them. He gave them, you know, he said, he told Saul what to do. Er hat Saul gesagt, was er zu tun hat. Il a dit à Saül qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Then from verse 4, and Saul gathered the people together Versica. And numbered, and they now went to do what the Lord wanted them said they are to do. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then because of time, go to verse 7. Vers 7. Verset 7. And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt. and he took Agag, the king of the Amalekite, alive, and he utterly destroyed all the people and the edge of the sword. He took Agag, he took their king alive. Er hat ihren König lebendig gefangen genommen. Er hat aber nicht getötet, wie es ja eigentlich von Gott befohlen war. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep. You see there? What the Lord said they should destroy, they spared them and they took them. Amen. Was sie alles zerstören sollten. Haben sie dennoch aufbewahrt, auch das Beste von den Tieren, auch das Beste von ihrem Besitz, alles sollte zerstört werden, aber sie haben sich entschieden, die guten Sachen zu behalten vom Volk. Ici on voit vraiment par exemple l'exemple que l'Éternel les a dit qu'ils doivent tout détruire, mais eux ils ont détruit seulement une part et une chose, une autre partie ils ont gardé. Amen. Amen. Then said, but everything that was vile and refused, that they destroy utterly. Verse 10. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, the Lord is regretting. Verse 11. Can you see regret? Der Herr bereut hier He's etwas. Regretting concerning King Saul. Er bereut es, König Saul als König eingesetzt zu haben. Ici, l'Éternel a même regretté qu'il a mis le roi Saül comme le roi. He repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and have not performed my commandment. And he grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Hey, Samuel was a crying baby. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And when Samuel arose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Samuel. And Saul came to Carmel, and behold, he set up him up a place, and is gone about, and passed on, and go down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord, I have performed the commandment of the Lord. You know, people just deceive themselves. Leute, can you deceive the Lord? Vor, aber kannst du dem Herrn Are you getting it? Les gens, ici on voit qu'il pensait avoir agi comme l'Éternel lui avait dit de faire, mais il est en train de se voir lui-même, il était confus. Mais est-ce que tu peux aussi confondre le diable? Then in verse 14, and Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen? We shall hear. King Saul said, They have brought them from Amalekite, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord their God. Are you getting it? Mm-hmm. Obedience is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfergabe. You see it there? Mm-hmm. He said they took it so that they will sacrifice it. Are you getting it? That's why you cannot go and steal and say you want to bring to the house of Christ. Deswegen kannst du nicht sagen, ich gehe Geld klauen und das Geld, was ich geklaut habe, gebe ich dann die Gemeinde. Ici on voit que il a fait ça et puis il a désobéi pour faire un sacrifice à l'Éternel. Et c'est pour cela tu peux pas dire que je pars voler une banque, cambrioler une banque et puis après dire que pour que je puisse donner cet argent à l'église. Ça n'a pas le sens, ce n'est pas le système de l'Éternel. Tu peux pas voler pour sacrifier, il faut être obéissant. It's a sacrifice, because of sacrifice. But the Lord said destroy them. L'Éternel à la base lui avait interdit, lui avait dit de tout détruire, mais lui il voulait faire quelque chose de bien et il a commencé à faire un sacrifice au lieu de détruire. Know his will, know his voice. Kenne seinen Willen, kenne Obey seine his Stimme. Voice. Gehorche seine Stimme. Amen. Apprends à comprendre sa volonté, obéis à sa volonté. Then if I can help us to read verse 16, Samuel aber antwortete dem Saul, halte still, und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Da sprach er zu ihm, rede. Amen. And Samuel said, verse 17, When thou art little in your own sight, wert thou not made the head of the tribes the tribes of Israel. And the Lord anointed the king over Israel. And the Lord sent him on a journey and said, go and utterly destroy the sinners and Amalekite and fight against them utterly until they be consumed. Verse 19. Wherefore then did thou not obey the voice of the Lord, but did fly upon the spoil and did evil in the sight of the Lord? Amen. He said, my motive, you know, it's motive. You can see motive there. My motive is sacrifice. On peut voir ici le motif de Samuel, c'était de sacrifier. Amen. Un sacrifice. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Sein Opfer war, sein Motiv war hier die Opfergabe. You know, people will say that motive is good to sacrifice unto the Lord. Und Leute würden sagen, es ist so gut, Opfergabe zu geben an den Herrn. Les gens religieux vont dire, oh, mais ça c'est bien, vouloir faire un sacrifice pour l'Éternel, c'est bien. And Saul, verse 20, and Saul said unto Samuel, yea, I have obeyed the voice of the Lord. You know, this man is just a born liar. Look at hey, you know, that is what is going on everywhere today. Und das geht they will see white, you will say it's white, they will say it's blue. Until you yourself will not start calling it blue. He want to confuse Samuel. Er möchte Samuel you cannot confuse the Lord. Aber du kannst den Herrn nicht verwirren. Ici à verset 20, il a dit à Saül, oui, je fais ce que l'Éternel m'a dit de faire. Donc tu peux voir que l'être humain est vraiment, il a essayé même de confondre Saül. Amen. Amen. And Saul said unto Samuel, yea, I have obeyed the voice of the Lord and have gone the way which the Lord sent me and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekite. Verse 21. But the people took, you see, the finger, the people. It's always the people. Who is the king? Who said the last word? Who said the final word? Is the king. But the people took of the spoil, sheep and oxen, and chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. And Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ici, verset 22, il dit aussi que l'Éternel trouve pas plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Donc, il préfère l'obéissance. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. King Saul, you know, Samuel said to him, to obey Christ's voice is better than sacrifice. It is better than your motive. Dem Herrn zu gehorchen, are you getting it? Ist besser als Your motive might be good. Dein Motiv ist vielleicht gut. Your motive might even be Christ. Ist vielleicht Christus. But the way, the heart. Aber der Weg, das Wie. Amen. Praise the Lord. Donc ton motif peut être Jésus-Christ, mais ton chemin. Amen. Et ton comment c'est pas Jésus-Christ. What the Lord said, destroy. He said, I'm going to use it. You see, the motive, people will say, it's also to God. What he planned to do was also to make sacrifice unto the Lord. Your motive might be Christ. But if the way is not Christ, Satan will do his job. Das Motiv ist vielleicht Christus, aber wenn der Weg nicht Christus ist, wirst du die Wege des Satans haben und schlussendlich die Ziele des Satans halt auch erfüllen, weil du wirst sicherlich nicht den Weg des Satans gehen und dann an das Ziel des Herrn kommen. Ton motif est peut-être Jésus-Christ et peut-être bien, mais si ton chemin c'est pas l'Éternel, là le diable va oui, ça c'est comme un sacrifice qui ne va pas lui plaire et le diable va vraiment t'en confondre. Amen. On va lire Sprüche 14. Yeah, it's a way. Proverbe 14. On va lire Proverbe 14 12. Vers 12. I love you very well. There is a way we seem right unto a man. Amen. Mm. But the end thereof are the ways of death. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la vie de la, c'est la vie de la, la voie de la mort. He's talking about achieving your motive. Es geht darum, dein Motiv zu erreichen. Ici, il s'agit de atteindre à tes motifs. Your motive might be Christ. Dein Motiv ist vielleicht Christus. Atteindre à ton but ou bien ton motif, c'est peut-être Jésus-Christ. But your way, if it is not Christ, Satan will achieve his purpose. Nicht Christus ist, wird der Satan seinen Zweck erreichen. Mais si ce chemin c'est pas Jésus-Christ, le diable va va te détruire. To bless the ministry, for example, to bless the house of Christ. Die Gemeinde zu segnen, das Haus Gottes zu segnen, beispielsweise. De bénir la maison de l'Éternel ou bien l'église, par exemple. And you say you are going to steal so that you can bless the house of Christ. Wirst du sagen, ich werde stehlen, damit ich das Haus Gottes endlich segnen kann? Amen. Tu vas pas dire que tu vas voler pour bénir la maison de l'Éternel. And that's why God does not work by faith alone. Deswegen arbeitet Gott nicht durch Glaube allein. Et c'est pour cela la foi sans la foi telle, elle-même ça sert à rien. It is faith plus his system. Es ist Glaube plus sein System. C'est croire et son système. Amen. Donc la foi et le système de l'Éternel. You are going to get what Jesus died for. Yeah. Tu vas seulement das bekommen, für Jesus auch gestorben ist. Tu vas seulement avoir et recevoir ce que pour la chose laquelle Jésus-Christ est mort pour. He did not die for you to steal. Les choses lesquelles pour Jésus-Christ est mort. Il n'est pas mort pour que tu puisses voler, par exemple. Er ist nicht dafür gestorben, dass du stehlen gehst. Amen. He did not die for you to steal. And that's why you are not going to pick and choose a boy or a man and then sleep with him. And fornicate after fornicate, you are pregnant, you now have a baby and say it's a blessing. He did not die for you to fornicate. Deswegen kannst du auch nicht He died for you so that he can live in you and live through you. Eine Schwangerschaft, die aus Unzucht und Ungehorsam entstanden ist, ein Segen nennen. C'est pour cela tu peux pas dire tu peux pas seulement partir chez un avoir un bébé avec n'importe qui et puis dire que oui ça c'est ce bébé c'est la bénédiction de l'Éternel. Non, parce que c'est pas le chemin de l'Éternel. Amen. There's a baby, so our babies they are from God. It's evil. No. Jesus did not die for you to fornicate and have a baby. That alone will help you to know this baby is from Satan. Are you getting it? Und Leute sagen, ja, jedes Kind ist vom Herrn, aber es stimmt nicht. Der Herr ist nicht dafür gestorben, dass du aus Unzucht ein Kind gebärst und das dann einen Segen nennst. Nein, das ist einfach teuflisch und falsch. Du hast deine eigene Entscheidung getroffen. Deswegen hast du auch die Resultate des Teufels. Ja. Oui, et c'est pour cela, tu peux pas dire ce chemin que tu as pris, Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu puisses coucher avec n'importe quel homme pour avoir un bébé. Ça, c'était pas son but à la base. Et c'est pour cela, le résultat qui va venir de ce but-là, de ce chemin, c'est le résultat du diable. Et c'est pour cela, tu peux pas dire que cet enfant, c'est une bénédiction parce que c'est toi-même qui as choisi de coucher avec n'importe qui. Amen. And that's why you cannot, you know, that's why faith, you believe God and God be fornicating and have baby. And we want to believe that that baby is coming from him. It's not coming from him. Satan can also give babies. Der Satan kann auch Babys There's geben. Nothing he cannot give. He can give money, can give baby, can er give kann education, kann geben, can give all those things. What he cannot give is salvation. Was er nicht That's geben all. Kann, ist Errettung. Donc le diable est capable de tout donner. Il peut te donner un bébé, il peut te donner des voitures, de l'argent, tout. Mais la seule chose qu'il n'est pas capable de te donner, c'est le salut. He can even prolong your life to live here on earth. Er kann sogar dein Leben prolongen. The problem is that people are unbelievers. You can see them. They are 121. They are never. They are like this. They are dead. Das ist die Idee. Er schenkt Leuten sogar langes Leben. Du siehst, wie alt diese Leute werden. 110 oder 20, aber das ist nicht von Christus. Through their desire, what they are fighting for. You just know that this is Satan. Le diable peut même prolonger votre vie. C'est pour cela que vous pouvez voir une grand-mère qui a, par exemple, 150 ans. Elle est presque finie, mais elle est toujours là. Elle est toujours en vie. Parce que... Hein? Oui, c'est là. Et c'est pour cela que le diable est capable de prolonger notre vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Faith. You know, faith alone cannot save you. Glaube allein kann dich nicht retten. La foi seule ne peut pas te sauver. Amen. Mm. God does not work by faith alone. But by faith plus his system. Glaube plus sein System. L'Éternel, lui, ne travaille pas seulement avec la foi, mais il travaille à travers la foi et son système. Just like grace alone is not salvation. Genauso wie Gnade allein nicht der Rettung ist. Tout comme la grâce seule n'est pas aussi un salut. If grace alone is salvation, the whole world could have been saved today. Wenn Gnade allein grace is bedeutet, for the whole world. Dann wäre ja jeder Mensch errettet. Parce que si la gloire était un salut, tout le monde allait être sauvé parce que la gloire, c'est la grâce est venue pour tout le monde. Amen. Amen. So also faith alone is not salvation. Genauso auch Glaube allein nicht der Rettung. Et c'est pour cela aussi la foi seulement, c'est pas aussi un salut. Ephésiens 2. Ephésiens 2. Amen. Amen. Ephésiens 2. Vers 8 et 9. 8 et 9. Ephésiens 2, versets 8 et 9. You get it. Mm-hmm. Amen. Amen. For by grace are you saved through faith. Amen. Mm-hmm. You're saved by both. Grace and faith. Also euch beides errettet, durch Gnade und Glauben. Ici, verset 8, car c'est pas par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Donc, tu as besoin d'une balance entre la foi et la grâce. For by grace are you saved through faith. And that is not yourself. It is the gift of God. Not of work, lest any man should boast. Mm. Praise the Lord. Alleluia. We are saved by both. Wir sind errettet durch beides. On a notre salut à travers les deux. Faith never moves God. Der Glaube bewegt Gott nicht. Parce que la foi, ça ne fait pas de sorte que l'Éternel puisse bouger. Amen. Amen. And that's why you cannot say, I believe God, and you go and steal, then bring it to the house of God and say, it's God that provide for you. Mm-hmm. Your faith never moves him. Ich glaube Gott und deswegen gehe ich klauen und das geklaute Geld bringe ich in die Gemeinde, um dem Herrn zu gefallen. Das so funktioniert das nicht. Dein Glaube bewegt ihn nicht. Et c'est pour cela que tu ne peux pas dire que je pars voler à travers la foi pour partir maintenant donner cet argent à l'église. Ça, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas un système de Jésus-Christ, parce que ta foi, ça fait voir que ta foi ne te sauve pas. Your faith move you. Ton glaube bewegt dich. Parce que ta foi, ça te bouge, ça te bouge toi-même, toi-même personnel. Yeah. Mark 5. Marcus 5. On va le lire à Marc 5. Amen. Your faith. C'est ta foi qui te bouge. That faith is not yours. Dieser Glaube, Because you believe it, it's not yours. Ist become dein Glaube. Amen. Cette foi, ça devient la tienne parce que toi tu y crois. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. Marc 5, 25. Amen. Are we there, please? 25, Markus 5. 12 years, for 12 years. 12 Jahre lang. Verse 26. Mm-hmm. And has suffered many things of many physicians, and has spent all that he had, and was nothing better, but rather grew worse. Ah! Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 27. 27. Verset 27. When she had heard of Jesus, faith cometh by hearing. Glaube kommt durch das Hören. Sie hat gehört. Elle a écouté. Deswegen prédigen wir zu ihnen. Elle a entendu parler de Jésus et elle vit dans la foule. Donc elle a eu cette conviction, cette foi, parce qu'elle a entendu écouter de Jésus. Keep on preaching to them. Amen. Et c'est pour cela qu'on continue toujours à prêcher. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. 28. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. 29. And straightway the fountain of her blood was dried up. And she felt in her body that she was healed of that plague. Praise the Lord. Verse 30. And Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? Praise the Lord. Who touched me? Wer hat mein Gewand angerührt? Jésus Christ a dit, mais qui m'a touché? Er wisst, wie viele Leute um ihn herum waren. Viele waren es. Und viele haben ihn berührt, aber dennoch hat er gesagt, jemand hat mich berührt. Combien de personnes étaient dans la foule qui ont touché Jésus-Christ? Mais lui, il a seulement considéré comme si c'était seulement une personne qui l'a touché. Il a dit, mais qui m'a touché? The hand of faith. Diese Hand des Glaubens. That's how the Lord gave us this house. So hat der Herr uns auch dieses Haus gegeben. Cette main de la foi, c'est aussi comme à travers cette main de la foi que l'Éternel nous a donné cette maison. C'est la main de la foi. If you believe, you move. Wenn wir glauben, dann sollen wir uns auch bewegen. Et si tu crois, toi, tu bouges. Amen. Amen. Everything, that is his system. The hand of faith. You must stretch it out. You don't walk by sight, you walk by faith. And the hand of faith must be stretched out to collect what grace have for you. Grace is what he did. But your hand of faith must stretch it out to collect what grace have for you. Gnade ist das, was der Herr getan hat, und wir müssen uns im Glauben unsere Hand danach ausstrecken und das akzeptieren. Donc notre foi c'est comme une main, c'est la main de la foi. La grâce c'est ce que l'Éternel a fait pour toi, mais à travers la main de la foi c'est là que tu vas attraper la grâce qu'il a pour toi. We want to pass our exam before we believe we have passed. Wir wollen unsere Prüfung bestehen, never bevor wir sie bestanden haben, aber das funktioniert so nicht. On veut toujours d'abord faire nos examens avant de croire ou bien d'avoir des bons résultats pour croire qu'on a déjà fait nos examens. If you wait until after you pass and you not believe you pass, that is no longer faith. Wenn du erst dann glaubst, dass du bestanden hast, nachdem du bestanden hast, dann ist das kein Glaube mehr. Si tu veux d'abord croire que tu as bien fait ton examen avant de dire que tu l'as fait, ça c'est plus la foi. Tu dois d'abord le dire avant de même avoir ton résultat. Jesus, you know, if you look at how he did everything, feeding the thousand, he did not wait for trailer of bread. Auch als Jesus die Tausend gefüttert hat. The movement. Er hat nicht gewartet, bis das ganze Brot schon voll und übermäßig war, sondern hat den Glauben einfach ausgeteilt. Donc, c'est pour cela, tu vas voir aussi même comme l'Éternel a distribué les pains et les poissons. Il a fait ça par la foi. Donc, il avait que les 5 ici, de gauche, 5 à droite. Il a seulement fait parce qu'il avait la foi. Praise the Lord. Hallelujah. So if you believe and doubt not. Wir glauben und nicht zweifeln. Il a dit que si tu crois et que tu ne doutes pas. You never allow your 5 senses to make you doubt. Du lässt nicht zu, dass die 5 Sinne dich zum Zweifeln bringen. Tu vas pas laisser que les 5 sens te confondent. Okay, if you did not walk, you will not be ashamed. You will never allow it to make you doubt. And may prevent you from saying, from believing you already have it. Is somebody getting it? Du darfst nicht zulassen, dass die Angst davor, dass es nicht klappt, dich davon bremst zu glauben, dass es schon geklappt hat. Tu ne dois pas avoir, tu dois pas autoriser que la peur que tu as de ne pas passer les examens, par exemple, ça puisse diminuer ta foi. If they laugh at you, they laugh at Jesus. Mm-hmm. Then what is the problem? Dich auslachen, lachen sie Jesus damit aus. Was ist denn das Problem? Parce que tu te dis, mais si les gens se moquent de moi, ça va pas me faire bien. Mais tu dois te rappeler que si ils se moquent de toi, ils se moquent de Jésus-Christ. Mm-hmm. Alors où est le problème? If you really believe that you and Christ you are one, you will move and act. Wenn du wirklich glaubst, dass du mit Christus eins seid, dann werdet ihr euch nicht schämen. Ihr werdet handeln. Si tu crois réellement que toi et Jésus-Christ vous êtes un, là tu vas bouger, tu vas pas seulement dire que je crois, je prie, mais tu vas croire et puis tu vas avoir la foi et puis tu vas bouger. A lot of things, that is how. You know, the kingdom, that is how to bring what is in the spirit into the physical world. So bring you know, this world system never worked for God's children. Mm. You should know that. That's why they pass in the school, you fail. Because you are doing it their own way. Mm. You are believing their own way, religious way. Religion, till they have it, they never say to people they have it. Dieses Weltsystem wird für Kinder Gottes niemals funktionieren, weil du wirst es Kinder Gottes versuchen, es nach dem System der Welt zu machen, aber es klappt nicht, weil sie erst sagen, dass sie es haben, wenn sie es physisch haben, nicht schon glauben, dass sie es haben. Le système de ce monde, c'est aussi le système religieux, ça marche pas pour les enfants de Dieu qui vit dans son royaume comme chez nous. Par exemple, comme chez nous, oui. Par exemple, tu ne peux pas d'abord attendre la manifestation pour dire que tu as quelque chose. Ça, ce n'est pas notre système. Là, tu es en train de marcher dans le système de ce monde parce qu'eux, ils vont dire que j'ai réussi seulement quand ils vont voir quelque chose. Mais nous, on vit à travers la foi. Ça signifie qu'on croit déjà à l'accomplissement, même si on n'a pas encore vu le résultat. Their system works for them and not for you. Ihr System funktioniert. Yeah, you know that it's better for you. You are in the world, but not of the world system. Mm. You have another system, but you are always full of the world system, and you wonder why things are not working. Aber nicht von dieser Welt. Doesn't work that way. Deswegen wird auch ihr System bei uns nicht klappen. En fait, le système, nous, on sait qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est pour cela que pour nous, les histoires de ce monde, ça va pas marcher. Ça marche pas dans leur système. Donc, ça signifie que le système de ce monde, ça marche pour le genre de ce monde. Mais nous, comme nous sommes le genre de royaume de Dieu, notre système, c'est différent. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas travailler à travers le système de ce monde. You don't try to believe, you believe. Du versuchst nicht zu glauben. You know, a lot of us try to believe. What you believe, you know, what you have, you don't try to have. You know, I'm not trying to have it, I have it. Mm-hmm. The question is, do you have it or is not? If you are trying to have it, it means you don't have it. If you are trying to believe, it means you don't believe. Wenn du versuchst, Dinge zu glauben, dann glaubst du nicht. Wenn du versuchst, Dinge zu haben, dann hast du sie nicht schon. Deswegen sollen wir auch nicht Dinge versuchen, sondern einfach es sein. Et c'est pour cela, on n'essaye pas de croire ou bien on n'essaye pas d'avoir. On a ou bien on croit. Parce que si tu essayes de faire quelque chose, ça signifie que tu ne sais même pas si tu l'as, donc tu ne l'as même pas parce que tu es en train d'essayer. Mais si tu sais que tu l'as, tu sais qui tu es, tu vas dire que, comme tu vas dire que je n'essaie pas d'être une personne, parce que si tu es, que tu sais que tu es une personne et tu n'es pas un animal, par exemple. Et c'est comme ça qu'on doit aussi considérer notre royaume. Verse 31. Look how his disciples said the same thing that I said. 31. Verse 31. You are like me too. He said, and his disciples said unto him, thou seest the multitude struggling thee, and said thou, who touched me? Hey, this man is funny. They say, ah. You understand me? A lot of people, do you know how many people touching you? And you are saying, somebody touched me. It's not somebody to touch. All of us, we are touching you. Amen. Peter, I can see Peter. Yeah, I can see the other one. All of them, they are here. And Jesus said, somebody touched me and said, hey, how many people? Well, look at my two hands at the end. The other two hands, the other two, everybody. And you are saying, what? Praise the Lord. Hallelujah. He touched me with another hand. Mm. Jesus sagt, mich hat mit einer anderen Hand, seiner übernatürlichen Hand berührt. Ici, tu vois, verset 31, même les disciples se disent, mais Dieu, Jésus, tu ne vois pas qu'il y a une foule ici, tout le monde est en train de toucher, pas seulement une personne, même moi aussi, nous tous, on t'a touché. Comment tu peux dire qui m'a touché, demander une question qui est un peu bizarre comme ça, parce que nous tous, on t'a touché. Mais Jésus-Christ qui a répondu qu'il y a quelqu'un qui m'a touché avec une autre main. Donc, la main de la foi, ça c'est présent, c'est différent que la main naturelle. If you see all of them, they were all having problems, but one was healed. Mm. Somebody touched me with unusual hand, with a supernatural hand. Und diese eine Person wurde halt auch geheilt, weil diese eine Person im Glauben ihn. With a hand that is not common. Eine Hand, die nicht üblich ist. Et puis tu vas voir que tout le monde avait des problèmes. La foule avait, toute la foule avait des problèmes. Mais il y a seulement une seule personne qui a été délivrée, qui a été guérie. Et c'est la personne qui avait cette main différente, la main de la foi. Verset 32. And he looked around about to see her that have done this thing. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. 34. And he said unto her, daughter, your faith. You see there? He said, your faith. Dein Glaube. That faith is not yours. Ist jetzt deine. It means we are not one. Wir sind jetzt eins. Amen. Donc ici, Jésus-Christ dit, ma fille, ta foi, have ta something common. Donc cette foi-là, ça devient même la tienne. Nous sommes maintenant une personne, toi et moi. C'est Jésus qui le dit, c'est genre, toi et moi, ce qui nous connecte, c'est la foi-là. Wir haben was gemeinsam, du bist jetzt ich. Ça nous a connectés. Amen. He said, your faith has made you whole. Go in peace and be whole of your plague. Praise the Lord. Hallelujah. It is grace that moves God. Ist der Glaube, der den Herrn bewegt. C'est la foi. Es ist die Gnade, die den Herrn bewegt und nicht der Glaube. C'est la grâce qui c'est la grâce qui bouge l'Éternel et c'est pas la foi parce que la foi te bouge toi-même. You can see that Jesus said your faith moves you. Dein Glaube hat dich bewegt. To collect what I have for you. Das zu empfangen, was ich für dich habe. Donc il a dit que ta foi t'a fait bouger toi pour prendre la grâce que moi je t'ai donnée. The faith did not move Jesus to give this woman something. Der Glaube hat he's already the provider. Jesus nicht dazu bewegt. Because he says you before he gives you anything. Your faith is to remove you. He said your faith made you whole. Yeah, it moves you to collect what Christ has for you. What he died for. Er ist schon der Versorger und dieser Glaubensschritt sorgt dafür, dass du das empfangen kannst, was er schon für dich hat. Donc, tu vas voir que Jésus-Christ, lui, il a déjà la grâce en lui. Oui, la grâce en lui. Mais vu que la femme avait cru, c'était ce mouvement de foi qu'elle a fait, cette main de foi qu'elle a tendue pour attraper la grâce de l'Éternel. Parce que c'est déjà accompli, c'est elle maintenant à faire le pas. It is grace that moves God. C'est die Gnade, die den Herrn bewegt. C'est la grâce qui bouge l'Éternel. He is already moved by himself. Er wurde schon bewegt von sich selbst. Il est déjà bougé par lui-même. Grace is love. Gnade ist Liebe. La grâce, c'est l'amour. God kind of love. Amen. Liebe. Amen. L'amour de l'Éternel. For God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. It is love that moves him. Liebe bewegt ihn. For God so loved the world, he moved. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Somebody getting something? Das Herz hat sich bewegt. Are you getting it? For God so loved the world, he moved. He moved. It is love that moves him. Liebe, die hat ihn faith. Hat ihn bewegt. Donc c'est l'amour qui bouge l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a bougé, qu'il a donné son fils. Il a fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a tellement aimé le monde. First John said, God is love. He moved by himself. It is himself that moves him. Who he is moving, love. Das, was er ist, bewegt ihn. Er ist Liebe. Parce que ce que lui il aime, c'est ce qui lui bouge, qui lui fait bouger. You can only have what Christ died for. Du kannst nur das haben, für Christus auch gestorben ist. Tu peux seulement avoir ce que l'Éternel a pour toi à travers sa mort. Died for you to have victory. To be healed. That's why this woman was healed. Can see it. Amen. Died for you for provision. Died for you to live his life. The life he has given you. Damit du sein Leben and not to live the life of Satan. Und nicht das Leben des Satans führst. Il est mort pour sa mort, c'était pour que tu puisses vivre ou bien mener une vie que lui, il a pour toi, pas une vie que le diable a pour toi. Again, he did not die for you to steal, kill and destroy. Er ist nicht dafür gestorben, damit du stehlst, tötest und zerstörst. Parce qu'il n'est pas mort, il n'est pas mort pour toi, pour que tu puisses tuer, pour voler ou bien pour détruire. Playing lottery is not of Christ. Lotto zu spielen ist nicht von Christus. Jouer à la loto, c'est pas de Jésus-Christ. Au loto, c'est pas de Jésus-Christ, c'est mauvais. Playing lotto. The lottery is not of Christ. Und Glücksspiel ist nicht von Christus, ist vom System dieser Welt. C'est le jouer au loto, c'est le système de ce monde et pas le système de l'Éternel. Wir sollten uns davon fernhalten. His system is little by little. Sein System ist von Schritt zu Schritt. He is the provider, not loto. Er ist der Versorger und nicht der Lotterieschein. Et lui, c'est lui la personne qui te fournit et qui prend soin de toi, mm-hmm. et pas le billet de l'auto. Exodus 23, quickly go there. Quickly go there. Go to Exodus 23. 2 Mose 23. 2 Moïse, Exode. Praise the Lord. 23. Yeah. And that's why you cannot say, I want to play lotto so that I win, I bring the money to the house of Christ. Sie kannst nicht sagen, ich möchte eine Lotterie gewinnen, damit ich das Geld bekomme. Your motive is Christ, but are you getting something? Der Motiv ist Christus. Your motive is Christ. Exode 23. Aber der Weg ist dann nicht mehr Christus. Ton motif, c'est, malgré ton motif, c'est Jésus-Christ, mais ton chemin, c'est pas Jésus-Christ. Exode 23. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again, the motive is Christ, but the how you get the money is no longer Christ. Das Motiv ist Christus, aber das Wie. Are you getting it? Exodus 23. Ton motif c'est Jésus-Christ, mais le comment c'était pas Jésus-Christ. 29 and 30. 29 Praise the Lord. Hallelujah. I will not drive them out from before thee in 1 year. Are you getting something? Lest the land become desolate and the beasts of the field multiply against thee. If you win million, it will destroy you. Wenn wir Millionen gewinnen, einfach so, wird uns das zerstören. That money will become your God. Si par exemple tu gagnes de l'argent, 1 million, ce 1 million là ça va te détruire. Dieses Geld wird zu deinem Gott. Ça va devenir ton Dieu. In a Gucci. At Gucci store that you know you don't even know house again. People have they close, you will not close. They will close the store, you will stay the store. Du wirst so beschäftigt sein mit Kaufen, Bestellen, all das, dass du gar keinen Kopf mehr hast für Christus. Parce que tu auras beaucoup d'argent, tu vas commencer seulement à partir à acheter les histoires, à commander les histoires, et tu n'auras même plus le temps d'être là pour avoir ton intimité avec l'Éternel. If you are bringing the money to the house of Christ. Selbst wenn du das Geld in das Haus Gottes bringst, ist es dennoch nicht sein System. Même si tu emmènes cet argent à la maison de l'Éternel, c'est pas le système de l'Éternel. Learn to do things in this way. Lerne Dinge nach seinem Weg zu tun. Es geht nicht um die Resultate, sondern der Weg ist wichtiger als die Resultate. Et il ne s'agit pas du résultat, parce que le chemin c'est même plus important que le résultat. Verse 30. 30. He said, by little and little I will drive them out from before thee, until thou be increased and inherit the land. The system is little by little. So also Deuteronomy 7, verse 22 says. Das System ist Schritt für Schritt, genauso wie es auch in 5. Mose steht. Le système de l'Éternel, c'est vraiment pas à pas, pas pour pas, c'est comme c'est écrit dans Deutéronome. Amen. Playing lottery is try your luck. You don't try your luck. You are already blessed. In der Lotterie mitzumachen bedeutet, dass du versuchst, dein Glück versuchst. Aber wir leben nicht nach Glück, wir leben im Segen des Herrn. par exemple, dans une loterie, il ne s'agit pas de... c'est comme si on est en train de faire un hasard, d'attendre que le monde, que tu puisses avoir un hasard, par exemple. Mais le système de l'Éternel, ce n'est pas comme ça. Il a son propre système. The playing lottery is the world system. It might work for them. For you, it will destroy you. It is designed because it doesn't, that is not Christ. Amen. You know, people are going to bring death. People are going to, you know what it is. Besides, again, let me say this again. The world system work for the world, but for God's children, you are in the world, but not of the world. Das Weltsystem funktioniert für die Welt, Christ aber system. Kinder Gottes, sie sind auf der Welt, aber nicht von der Welt. Wir lernen das System von Christus. Le système de ce monde, ça peut même être bien pour eux, mais ça sera jamais pour nous, bien pour nous. Ça signifie que c'est pour cela, c'est important que nous, les enfants de Dieu, on puisse apprendre le système de notre Père. Praise the Lord. Lottery might work for them, but not for you. Because Christ is not dead. What Christ did not die for will not work for you. I don't know if somebody is getting it. Le système de la loterie, ça ne peut jamais marcher pour nous parce que l'Éternel n'est pas mort pour nous pour la loterie. C'est la grâce qui est pour nous et pas un hasard. Grace is what he died for. Grace is what worked for you. Gnade ist das, was für dich funktioniert. You are saved through grace. You are saved by grace through faith. By grace, let's go there. Did I quote you? Yes. Okay, thank you, Shant. Well, Ephesians 2:8. Amen. Yeah. Amen. So you know you are not. It must be grace. Mm. Grace means what Christ died for. Mm. He did not die for Lotto. Mm. Are you getting it? Yeah. Jesus ist nicht für die Lotterie gestorben. Ne? Alles, was wir empfangen, ist aus Glauben durch Gnade und nicht aus Glück per Zufall mit ein bisschen Nachhaltigkeit. Das nennt man uns auch nicht. Wir sind keine Leute, die Glück haben, sondern wir haben Segen durch Jesus Christus. Donc, Dieu, il travaille par. Nous sommes, on a la grâce à travers la foi. C'est pour cela qu'il s'agit que, toujours de ce que l'Éternel a fait pour nous et c'est la grâce. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire qu'on va essayer notre chance et peut-être que ça vient de l'Éternel. Parce que l'Éternel, il n'est pas mort pour la chance. Mais il nous donne des histoires, pas à travers la chance, mais à travers ses bénédictions. C'est pour cela qu'on ne dit jamais que oui, j'ai de la chance. On dit qu'on est béni. Praise the Lord. Amen. It is like that of Jonah. Wie das von Jonah? C'est tout comme celui de Jonah. You know, Jonah was, you know, they were in the sea. Those people. They were in the sea. The sea were quiet. When Jonah came in, they started having problems. If you are where the Lord does not want you to be, people will have problems because of you. Wenn du da bist, wo der Herr dich nicht haben möchte, wenn die Leute dort anfangen, Probleme zu bekommen. Not only you that we have problems. People we have problems before because of you. Nicht nur du bekommst Probleme, sondern auch die Leute um dich herum. Wie zum Beispiel bei Jonah, als das Schiff auf einmal in Seenot geriet, obwohl vorher alles gut war. Si tu n'es pas là où l'Éternel veut que tu puisses avoir, tu puisses être, ça ne sera pas seulement un problème pour toi, mais les gens vont commencer aussi à avoir un problème à cause de toi. Tout comme Jonah, par exemple, quand il était, il était dans un bateau-là, et les gens qui étaient avec lui dans, dans ce bateau-là, ils étaient en train d'avoir des problèmes sérieux à cause de Jonah. Ils ont dû même lui faire sortir de ce bateau pour rester en paix. Amen. Amen. He wants you to rest. Lui, il veut qu'on puisse avoir notre paix. If you are so worried of where you are, you better change it. Wenn wir uns so viele Sorgen machen. Are you getting it? Il veut qu'on puisse avoir notre repos parce que si tu es là où tu es en train de te faire des soucis, c'est pas bien pour toi. C'est pas lui en fait. The story of Romans 7:22 is the same thing. That is little by little. You are just blow through it. Amen. Donc, Deutéronome 22. Yeah. Little by little. Deutéronome 7:22. You can read it yourself. Deutéronome 7:22. On va le lire même à la maison. Là, il parle de système qui va peu à peu. Amen. Mm-hmm. You know, it doesn't does not go from A to one euro to 1 million. Wir können nicht von A to 1 million. That is no longer. Das wird Zerstörung bedeuten und nicht mehr Sieg. On peut pas, l'Éternel ne travaille pas à travers de 5 euros à 2000 euros. Ça, ce n'est pas son système. Lui, il fait seulement peu à peu, c'est un procès. Il y a power behind money. Il y a strength behind money. And that strength, if the Lord does not train you before that million, it will destroy you. It's a destroyer. Und der Herr muss. Wealth can destroy people more than poverty. Reichtum kann Leute noch mehr zerstören als Armut und der Herr muss uns deswegen auch vorbereiten. Parce qu'on doit faire attention parce que la richesse peut même détruire les gens plus que la pauvreté et c'est pour cela l'Éternel doit vraiment bien te préparer avant qu'il puisse te le donner physiquement. In lotto, there's no preparation. But once it is his soul coming, it will prepare you and that thing cannot take you away from him. Are you getting it? Donc la loto par exemple, c'est pas, il n'y a pas de préparation. C'est pas le loto par exemple, il n'y a pas de préparation. Mais quand ça vient de lui, c'est vraiment peu à peu pour être habitué, pour qu'il puisse te, oui, pour bien te former en fait. On va lire Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Praise the Lord. Matthieu 11. Amen. He wants you to rest and not to be worried and not to be, how am I going to do it? You are not, you see no strength any longer in you. Amen. Why don't you rest? Look at it. From verse 28. Matthew 11. He said, come unto me, all you that labor. 28. Matthew 11, verse 28. And I am and a heavy laden. I will give you rest. 29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. If that job is too heavy for you, quit it. In whatever you are doing, are you getting it? We steal your joy, your peace, your wenn diese Arbeit so, I don't know, whatever it is, I don't know what so schwierig ist für uns. If you are not resting, I'm coming, Shad. Okay. If you are not resting, he wants you to always rest. Amen. Der Herr möchte, dass wir uns ausruhen. Wenn eine Sache uns einfach zu viel einnimmt, müssen wir diese Sache loslassen, bevor sie uns unsere Beziehung mit Christus kostet. L'Éternel veut vraiment notre repos. Pour lui, notre repos, c'est si important. Et c'est pour cela qu'il se dit que si une chose est en train de te déranger, par exemple un travail ou bien ton étude ou bien n'importe quoi est en train de te est en train de t'arracher ton repos, ça peut aussi coûter même ta relation avec lui et ça c'est pas bien. Cela c'est mieux vaut le laisser l'abandonner que risquer ta relation avec l'Éternel. Amen. So please, if you have any question, you can write it down. We'll answer it later. Amen. His will is his system for us. Sein Wille ist sein System für uns. Sa volonté, c'est son système pour nous. It is wrong for him to do your will for you. Es ist falsch. Amen. It is wrong for him to do your desire for you. Es ist falsch, wenn wir ihn zwingen, seinen Willen, unseren Willen für uns zu tun. C'est vraiment faux si on veut que notre volonté, on est en train de forcer l'Éternel à faire notre volonté pour nous. Ça, c'est vraiment faux. Amen. Amen. No, Psalm 78, if you go there, he said he gave them their desire, and that desire destroyed them. The desire of the Lord never destroys people. Er gab ihnen ihre Wünsche. What the desire he has for you never destroy you. But the desire you have, you had, that you refuse to let go, it's a destroyer. It's waiting to destroy you. It's a matter of time. Und diese Wünsche, die man ihm, Psalm 78, we don't have time to go there, please. Und diese Wünsche, die man ihm aufdrängt, die werden einen natürlich auch zerstören, wenn sie dann halt erfüllt werden. Und der Herr gibt uns nichts, was uns zerstören soll. Parce que les volontés que nous on a pour nous, c'est toujours là pour nous. pour nous détruire parce que c'est trop charnel. Et l'Éternel, vu que lui, il ne veut pas nous détruire, c'est pour cela qu'il ne veut même pas qu'on puisse la voir. Amen. Amen. His ways is his system for us. Seine Wege sind sein System für uns. Son chemin, c'est son, c'est son système pour nous. Satan also have his own way. Le Satan hat auch seine Wege. Car le diable, lui aussi, il a ses propres chemins. Isaiah 55, verse 8. He said, my ways are not your way, my thoughts are not your thoughts. In 55:8 steht, dass meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Esaïe 55 nous dit que mon chemin c'est pas mon c'est pas vos chemins et mes pensées ce sont pas aussi tes pensées. It means there are two ways. Das heißt, es gibt his zwei ways Wege. And Satan's ways. Seine Wege und die Wege des Satans. Ça signifie qu'il y a deux chemins, le chemin de l'Éternel et le chemin du diable. Amen. Amen. Your way is that without Christ, if it is not his way, your way is Satan's way. Wenn es nicht sein Weg ist, ist der Weg, den du gehst, der Weg des Satans. Si ta manière c'est pas son chemin, ça signifie que ta manière ce sera automatiquement le chemin du diable. Amen. The way you get whatever result is more important than the result. Der Weg, wie du diese Resultate empfängst, ist wichtiger als die Resultate selbst. Le chemin lequel tu vas utiliser pour avoir ce résultat, c'est même plus important que le résultat lui-même. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I've never played lotto in my life. I don't even know what it is. Amen. Ich habe niemals in meinem Leben Lotto gespielt, weil ich das immer gehasst habe. I've never played it. Ich habe es niemals gespielt. You know, Satan will keep on stealing and stealing and stealing. Der Satan stiehlt dadurch immer wieder von dir. It's the satanic way, it's the system of this world, das ist das and not of Christ. Dieser Welt und people should be aware of it. Deswegen sollten sich Leute davon fernhalten und da rauskommen. He told us how to achieve his blessing. He did not say to that man, go and play lotto. In Mark 10. He said, go and sell all that you have and give to the poor so that you have riches. How to be rich in his... Is somebody getting it? Mm. He said, there's a place, he said, concerning blessing. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. No, Matthew 6. Shaking together, running over, shall make give unto your bosom. You know where it is. Give, it shall be given unto you. That's how he said, give, it shall be given unto you. Amen. Okay. Shaking together, running over, shall make give unto your bosom. You can see his system. His system is not to take collecting. His system, that's why he said, it's more blessed to give than to receive. But the system of this world is just collect. Collect from others and have it. That's why you never have. Because it will never work for God's children. The religious people, it will work for them. But God's children, once it comes to the kingdom of heaven, it's only the things of heaven that work for God's children. Wenn es um das Königreich Gottes geht, funktionieren nur die Dinge, die für Kinder Gottes sind, die vom Königreich Gottes sind. Und das System von Lotterie oder Glücksspiel oder Sportwette oder sonstiges, da geht es halt immer nur um das Nehmen und das sich von anderen Leuten nehmen. Und das System vom Königreich von Jesus Christus war komplett das Gegenteil. Da heißt es, geben ist seliger als nehmen. Und es steht, dass wenn wir geben, dann empfangen wir. Und danach sollten wir streben, nach seinem System und nicht nach dem System dieser Welt. On doit comprendre que le système de l'Éternel c'est vraiment différent que le système de ce monde. C'est vraiment le contraire. Parce que le système de ce monde, tu joues aux loteries, c'est pour avoir. Tu veux seulement avoir. Mais le système de l'Éternel, c'est donner. Ça n'a pas de sens dans le monde naturel. Et c'est tout ce qui s'agit de Jésus-Christ, c'est tout surnaturellement. Par exemple, ici, quand tu joues à la loto ou bien au loto ou bien tu joues à autre jeu de chance, c'est pour avoir une chance de prendre, de recevoir, tu vois. Mais le système de l'Éternel, c'est de bénédiction. C'est toi qui bénis pour recevoir. C'est toi qui donnes. Et ça, c'est le système de l'Éternel. C'est pour cela de l'Éternel. C'est pour cela le système de ce monde, ça peut jamais marcher pour les enfants de Dieu. You can see Solomon did not play any lottery. You can just look at David did not play any lottery. Then where is he coming from? None of them, Joseph. Abraham, Josef, diese Leute haben das nicht gemacht. The blessing of Christ Jesus is greater than any lottery. Der Segen vom Herrn Jesus Christus größer als jeder Lottogewinn. Allow him to bless you. Lass zu, dass er dich segnet. Allow him to be his blessing and not the blessing of Satan. Sein Segen ist nicht der Segen. Even the natural world, those people that collect lottery, they go back to their poverty. Where they are coming from. At the end, they always go back. In der natürlichen Welt gibt es viele Beispiele, wo diese Menschen, die halt da gewinnen, daran kaputt gehen. Ne? Selbst sogar in der gleichen Nacht sogar da kaputt gehen, weil sie so überwältigt sind von diesem Sieg, dass sie sich tot trinken oder dass sie einen Unfall bauen oder sonstiges. Okay. Oder sich wieder verschulden und noch krasser in Schulden sind als vorher. On doit comprendre que le royaume des cieux, c'est vraiment le contraire et on doit vraiment laisser que autoriser l'Éternel de nous bénir et pas d'avoir de la chance de ce monde, parce que nous ne sommes pas du même monde. Parce qu'il y a aussi beaucoup de systèmes charnels, comme notre frère venait de me dire aussi, par exemple, qu'il y a une personne qui a gagné 3 fois et qui a tout perdu, qui n'a plus rien. C'était même dans ce monde ici. Et nous, les enfants de Dieu, combien de plus? Parce que l'Éternel ne veut pas des histoires comme ça pour nous. Donc, c'est sa bénédiction qu'on doit attendre. C'est dans sa propre manière, ça vient peu à peu. Et ça ne vient pas brusque comme ça, sans préparation. Tu es millionnaire, milliardaire, tu as craqué. Your result might be naturally good. Eure Resultate sind vielleicht natürlich gesehen gut. Tes résultats, peut-être, c'est naturellement, c'est bien. But if the way you get the result is evil, aber the result is also bösartig evil. Ist, no matter how good it das is. Das Resultat auch bösartig, egal wie gut es ist. Amen. Ton résultat peut être bien, mais peu importe quel chemin tu as choisi pour avoir ce résultat, si ce chemin, c'est un mauvais chemin, donc même ton résultat là, c'est mauvais. Amen. Amen. Amen. You know, for example, King Saul. König Saul beispielsweise. Again, he won the battle that the Lord sent him to fight. Amen. He won it. He got what this world we call good result. Are you getting it? Yeah. But the way he got it was evil. He disobeyed God. Er hat die Schlacht zwar gewonnen, aber dennoch war die Art und Weise nicht von Christus und deswegen war auch das Resultat dann nicht von Christus, weil er Gott missachtet hat. Par exemple, le roi Saül, par exemple, lui, il avait gagné la bataille. Et ça, dans le monde naturel, c'était comme un bon résultat. Mais vu qu'il a désobéi l'Éternel, donc le chemin pour avoir cette bataille, c'était mauvais. Ça signifie que c'est devant l'Éternel, c'est un mauvais résultat parce que tu n'as pas fait dans sa propre manière. Another example, Abraham. Oder auch Abraham. Amen. Il y a même Abraham. He got what this world would call good results. Er hat das empfangen, was die Welt gute Ergebnisse nennen würde. Abraham a pu à recevoir ce que le monde appelle un bon résultat. When he slept with Agar. Als er mit Hagar geschlafen hat, pregnant. Sie wurde schwanger. That's good result. Das ist ein gutes Ergebnis. Ein Kind wurde geboren. Comme par exemple, il a couché avec Agar, par exemple. Ça, c'est un bon résultat parce que après avoir couché avec Agar, il a eu un enfant, un fils. But God refused to call Ishmael his son. Aber Gott hat sich geweigert, Ismael seinen Sohn genannt zu nennen, weil es nicht von, weil dieses Kind nicht von ihm kam. Es kam aus Ungehorsam. Mais Dieu a refusé d'appeler Ismaël, le fils qu'il a eu avec Agar, comme son fils, parce qu'il a dit que c'était pas son chemin. Il a fait ça par désobéissance. Il a couché avec Agar par désobéissance. Et c'est pour cela le produit de cette désobéissance qui était Ismaël n'est pas de Dieu. Et c'est pour cela Dieu ne considère pas comme son enfant. Because son that was not the Lord's desire for him. Weil das nicht der Wunsch des Herrn war für ihn. Parce que c'était pas le désir de l'Éternel pour lui. He gave Sarah her desire. Er gab Sarah ihre Wünsche. Amen. He gave Sarah her desire. Quickly go to Genesis 16. Il a donné à Sarah and see what happened to Sarah. Il a donné à Sarah 16. Son désir. Et on va le lire à Genèse 16. Praise the Lord. Hallelujah. 1 to 5. 1 Mose 16, 1 bis 5. He said, now Sarah, Abraham's wife, bare him no children. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Verse 2. And Sarah said unto Abram, Behold now, the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto the maid. You know, the way that seems right unto a man. Der Weg, der für den Menschen richtig erscheint. Ici, on voit le chemin qui semble bien pour l'être humain. You dig a hole to cover a hole. And the other hole you dig, you are going to cover it. Man gräbt ein Loch, um ein anderes Loch zuzudecken, aber du lässt wieder ein anderes Loch hinter dir dabei. Amen. C'est comme si tu es en train de... De creuser, merci. De creuser un trou pour couvrir un trou. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train d'ouvrir encore un autre trou pour creuser, pour couvrir encore l'autre trou. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. Can you see the way that seems right unto them? Seht ihr, wie dieser Weg, der für sie richtig erscheint, aussieht? Ici, vous voyez le chemin laquelle Abraham et sa femme pensaient que c'était un bon chemin. And Abraham hearkened to the voice of Sarah, and not to the voice of the Lord. Er hört auf die Stimme von Sarai, aber nicht auf die Stimme von Gott. Et Abraham l'a écouté, entendu la voix de sa femme et pas de l'Éternel. You never give dog a bone and the dog reject it. Wenn du einem Hund einen Knochen vorsetzt, wird er natürlich essen. Et si tu donnes à un chien par exemple un os, lui il va jamais le rejeter. We grab it. Amen. If you are not taken, we eat you along. Verse 3. And Sarah, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband, Abraham, to be his wife. And he went, verse 4, and he went in unto Hagar. And she conceived. You can see good result. C'est un bon résultat. Ici, verset 4, on a vu que un bon résultat quand Agar était enceinte. Amen. But not the Lord's way. Aber nicht der Weg des Herrn. Mais c'était pas le chemin de l'Éternel. Amen. It was not the voice of the Lord. Es war nicht die Stimme des Herrn, sondern die Stimme der Frau, die er gehorcht hat. Et c'était pas la voix de l'Éternel qui l'a obéi, c'était la voix de sa femme qui l'a obéi. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. You can see, desiring the flesh. Das Fleisch, and the flesh will show you his picture. Und das Fleisch wird sich dann zeigen, wird sein wahres Gesicht zeigen. Et là, tu vois, quand tu désires la chair, tu vas voir un résultat charnel. Et ça va se voir. And Sarah said unto Abraham, My wrong be upon thee. I have given my maid into your bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. You got what you want. Was hast bekommen, as you wait for it. You know, that is how it is. Et si tu vois que ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils voulaient avoir un fils, mais et puis après Sarah avait eu beaucoup de problèmes avec Agar, donc elle a vu le résultat de ce qu'elle a cherché. Amen. Any desire that is not Christ's desire for you is destruction. Der Wunsch, der von Christus kommt, ist Zerstörung für uns. Chaque vœu qui n'est pas de l'Éternel, c'est une destruction pour nous. The problem through Ishmael. It's still going on today. Das Problem durch Ismael sehen wir heute immer noch. Parce que si on voit le problème avec Ismaël, on le voit toujours jusqu'à présent, on voit le problème qui est venu à travers Ismaël. It could have been better if Ismaël was not born. Es wäre besser gewesen, wenn Ismaël nicht geboren. Ça allait être vraiment très bien si Ismaël n'était pas né. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord also said it to Judas. It could have been better if you were not born at all. Der hat auch zu Judas gesagt. The same thing to Judas. Das wäre besser gewesen, wäre er nicht geboren worden. Parce que c'est la même chose qu'il a dit ça aussi à Judas, par exemple. Il a dit il lui a dit que c'était même ça sera même mieux si tu n'étais même si tu n'étais pas né. The same thing he said to us today. It could have been better if we are not born. If we keep on rejecting and ignoring his voice. Und das gleiche sagt er auch zu uns, dass es besser ist, nicht geboren zu sein, als seiner Stimme nicht zu gehorchen. Et c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui, si on continue ou bien on continue à le rejeter et à le désobéir, il nous dit aussi ça sera même mieux que tu n'es pas, si tu n'étais pas né, au lieu de continuer à mener cette vie qui n'est pas de moi. Let us learn to know what Christ, to know Christ's system. Das System von Christus zu kennen. On doit vraiment apprendre à connaître le système de Jésus-Christ. If we do, we will never be in his. Wenn wir es kennen, dann werden wir auch schon eine sein, wenn wir sein System kennen. Parce que si on connaît et on comprend son système, on ne sera pas trop pressé. We will never be in fear. Wir werden niemals in Angst. On n'aura jamais peur si on connaît son système. If you walk or not, you know, maybe it will walk, maybe it will not walk. When it will leave walk, you are not bothered. Wir werden uns keine Gedanken machen, wenn wir sein System kennen, dass nichts ihn aufhalten kann. Si tu comprends et tu connais son système que rien peut le stopper, par exemple, tu n'auras pas peur, tu n'auras pas des problèmes, tu ne seras pas soucié. You will never be worried. Du wirst niemals in Sorge sein, wenn du sein System kennst. Si tu connais son système, tu n'auras jamais des soucis. Amen. Tu ne vas jamais t'inquiéter. Amen. Amen. You will never doubt Christ if you know his system. Du wirst Christus nicht anzweifeln, wenn du sein System kennst. Das Problem ist, dass wir sein System nicht kennen. Si tu connais l'Éternel, tu vas jamais douter. Mais le problème est qu'on connaît pas le système de l'Éternel. We will not have double mind if we know his system. Wir werden nicht zweigesund sein, wenn wir sein System kennen. Will he do it? Will he walk? Wir werden nicht heute denken. Am I to take another decision? Am I to choose another way? Wir werden nicht nach Alternativen suchen, nach einem Plan B oder sonstigem. On va pas chercher à des alternatives ou bien à d'autres chemins si on connaît le système de Jésus-Christ. We will not be up and down. Wir werden nicht nur hoch und tief leben, wenn wir sein System kennen. On sera pas agité si on connaissait vraiment le système de l'Éternel. Amen. Amen. His joy, his peace, his rest, his faith, all the fruit of the Spirit will be permanent in us. Amen. If we know. And understand the system. Die Frucht des Geistes wird beständig Nothing sein, wenn wir das System joy, 24/7. Kennen. La joie de l'Éternel, ça sera permanent, si on connaît le système de Jésus-Christ. Amen. Et on le comprend. Amen. Amen. The Lord's system is so wonderful. Das System des Herrn ist wundervoll und wir müssen es lernen. Le système de Jésus-Christ c'est vraiment merveilleux, on doit l'apprendre. Amen. Amen. Another of the system, you don't run from witches and wizards. You run from those that hate the truth. Und that's the system. Ein anderes, auch eine Wahrheit, die zu seinem System gehört, ist, dass wir beispielsweise nicht von Hexen und Magiern weglaufen, sondern wir laufen von diesen Menschen weg, die religiös sind. Et un autre système de l'Éternel est qu'on n'a pas peur des sorciers ou bien des sorcières, je sais pas, des magiciens, mais on doit s'écarter des gens qui sont religieux, par exemple. Ils sont plus pires que les magiciens. And another of the system is that you don't fight for yourself. Oder you so allow me to fight for yourself. Vengeance is mine. Für dich selbst kämpfst, dass er für dich kämpft, dass er die Rache sein ist und er vergeltet und nicht du. Un autre système de l'Éternel est que la vengeance lui appartient et pas à nous. Et c'est pour cela on va pas close the second king. Amen. Let us go to second king and close. Second king. The Lord fight for us. Der Herr kämpft für uns. On va lire deux rois. It's his system. Amen. The how. You don't even know, but he's the doer of the how. Er ist der Macher von dem Stuhl. Là où il a écrit que l'Éternel combat pour deux rois. 2 Könige 7. 2, 3, 7. Amen. Vers 3. Verset 3. Praise the Lord. Hallelujah. He said, and there were four leprosy men at the entering of the... Praise the Lord. Hallelujah. Four leprosy men. Somebody get you something. Please, also, if you have time, read it at home also. Yes, this very place also. 2 Kings 7. 2 Rois 7, lisez ça aussi à la maison. And there were four leprosy men at the entering of the gate. And they said one to another, why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, still here, we die also. Now therefore come, and let us fall into the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall best die. Verse 5. And they arose, and they rose up in the twilight to go into the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syrians, behold, there was no man there. Verse 6. For the Lord had made the host of the Syrians to hear the noise of chariot and the noise of horses, even the noise of great hosts. Mm-hmm. And they said one to another, Lord, the king of Israel had hired against us the king of Hittite and the king of Egyptian to come upon us. Mm-hmm. Verse 7. Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tent and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. Mm-hmm. I don't know if you understand here, mm-hmm, what is going on here. Mm-hmm. Amen. Amen. And when these four lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drank, and carried thence silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered it. Praise the Lord. Hallelujah. We will stop here, please. Amen. Amen. His system is his, the doer. Sein System ist, dass er der Macher ist. Son système est que c'est lui qui est la personne qui fait. And that's why how will you walk is not your business. Deswegen ist das wie nicht deine Sache. Et c'est pour cela le comment c'est pas notre business, c'est pas notre ça nous ça doit pas nous intéresser. Mais you believe his voice. Wir glauben an seine Stimme. You are to say it and say it out. Are you getting it? If you want you to say, believe his voice. How it is going to work is not coming from you, but from Christ himself. He is the doer. He said, whatever you desire, I will give you. I will give. And is it not in John 4? Go to John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Jean 14, yeah. Son système, c'est Amen. Lui, c'est lui-même. C'est lui qui va te donner. Whatever you ask. Jean 14. Amen. Verse 13, John 14. Johannes 14, Vers 13. Jean 14, verset 13. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do. Are you getting it there? He said, I will do. It's not you will do. I will do. Das werde ich tun, sagt der Herr. Il a dit, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc ça signifie que je le ferai, pas toi-même tu le fais, c'est l'Éternel qui fait ça pour toi. Are you getting it? Mm-hmm. That the Father may be glorified in the Son. It's about them and not about you. Es geht um sie und nicht um dich. Das ist das Praise system. The Lord. Il s'agit de lui et il ne s'agit jamais de toi. Et ça c'est son système. De. Amen. Mm-hmm. Il s'agit d'eux et pas de toi. So we close now, please. Amen. Amen. So please, if you have any question or then. Yes, that. Testimony, I appreciate. Okay.